9 juillet de l'année 2025. Alors, c'est le moment où est produit cet enregistrement. Donc, vous pouvez voir Mona à l'écran. Salut Mona, ça va bien? Oui, bonjour. Oui, ça va bien. Excellent. Donc, sinon, vous pouvez m'entendre. Donc, David au micro. Et nous sommes présentement lors de l'été québécois qui est court, mais qui peut être intense par ces journées chaudes et humides. Oui, ces temps-ci, hein? Oui, donc en fait, ce soir, je vais aborder avec toi différents sujets, dont notamment l'intelligence artificielle qui connaît des bons fulgurants depuis les derniers mois. Et aussi par rapport aux nouvelles qui sont à caractère morbide, où il est question de la mort. Naturellement, on pourra aborder aussi d'autres sujets ensemble, selon ton inspiration du moment, parce que souvent une dimension improvisée lorsqu'on fait des enregistrements ensemble, là, naturellement. Donc, une grande dimension improvisée, tu veux dire? Oui, oui, oui. Une petite portion improvisée, c'est totalement improvisé. Ben, l'essentiel, là, c'est sûr que pour être honnête de mon côté, tu sais, des fois, je me prends des notes sur des sujets que je vais aborder avec toi. Là, donc, les gens ne le voient pas à l'écran, mais j'ai une feuille là, avec certains sujets. En fait, donc, avant de débuter à proprement dit cette discussion, ben, c'est sûr que ça peut être intéressant. S'il y a des nouvelles personnes qui nous écoutent à présent, de leur mentionner que toi, tu es professeur de yoga et également de pilates thérapeutique. Et présentement, cette année 2025, donc, tu enseignes toujours. Oui. Je maintiens cet enseignement. Mais pour la consultation en psychologie évolutionnaire, j'ai arrêté. OK. Ben, c'est bien correct. Donc, à ce moment-là, pour ce qui est, dans le fond, des cours de Pilates et du goût thérapeutique auxquels je faisais allusion, les gens que ça peut intéresser peuvent entrer en contact avec toi. Je vais laisser tes coordonnées en bas de l'enregistrement présent et en leur mentionnant que, bien entendu, toi, tu es toujours donc à Montréal s'ils veulent faire des activités avec toi en présentiel, mais aussi, c'est possible via la plateforme web de Zoom, pouvoir faire des activités à distance. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent un peu partout dans la francophonie, que ce soit en Europe, en Afrique, bien, c'est possible pareil, là, donc, de bénéficier là, de tes cours. Tout à fait. En autant que vous parlez français, parce que mon anglais n'est pas très bon. Bon. Sinon, est-ce que tu avais d'autres informations à mentionner avant qu'on commence à proprement dit? Mais peut-être... Les gens vont être curieux parce que j'ai dit que je ne faisais plus de consultation psychologie évolutionnaire. Je peux peut-être l'expliquer le pourquoi. Bien oui. Ça peut être un point de vue intéressant pour les gens. J'ai tout simplement décidé d'arrêter parce que je trouve que les gens font de la philosophie et de l'approche. Et ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un gagne-pain pour moi. C'est un travail exigeant d'accompagner des gens dans un développement de conscience puis d'intégration. Parce que ce n'est pas de la conscience dans le sens réflexif, c'est de l'intégration dans l'application, donc passer à l'action. Et je me rendais compte que les gens ne sont pas capables, sauf exception de quelques personnes, que les gens ne sont pas capables de passer à l'action, ils veulent juste se raconter, puis parler de leur nombril, puis de leurs petites difficultés. Puis ça, je conseille d'aller voir un psychologue, parce que c'est pas ça qui m'intéresse, puis c'était pas ça ma... En tout cas, ce n'était pas l'intérêt que j'avais de faire de la consultation en psychologie évolutionnaire. C'était pour aider les gens à passer dans l'action, d'arrêter de réfléchir et d'agir. Parce qu'il y a deux mécaniques dans la vie qui nous rendent en marbre. De ne pas prendre de décision. Mm-hmm. Ou d'en prendre une et de ne pas aller au bout de la décision. Et ça, je rencontre ça de façon presque permanente dans les gens qui rentrent dans ce travail-là. Et tout ce que ça fait rien que des tensions, puis du radotage, puis du chiolage, puis de la psychologie, ça tourne en rond. Ben, voilà. En fait, je pense que ce que tu rencontres, c'est le cas aussi pour d'autres personnes qui font de la consultation, là, même psychologie normale, là, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont consulter avec des résistances au changement, puis des fois les gens vont aimer se conforter dans un rôle de victime, puis parce qu'ils vont chercher des gratifications secondaires là, derrière ça, des fois de la valorisation. Oui. Puis, dans le Certain. fond, de passer au second niveau ou apporter un changement significatif qui amène les gens ailleurs, très peu ou c'est très rare qu'ils vont le faire. Souvent, les gens ont peu ou pas de volonté, pour transformer réellement leur vie. Sachant que la volonté, c'est de l'énergie. Il faut quand même, tu sais, je veux pas que les gens pensent que je suis en train de les culpabiliser. Non, non, mais C'est c'est un pas. constat qui peut se faire. T'sais, si la personne n'est pas rendue à passer le pont, n'est pas rendue à passer le pont. T'sais, moi, je discute avec des gens au privé, où là, je pense à une certaine personne de ma famille qui s'en va vers un gouffre financier. Puis moi, ce que j'y explique, j'ai dit, si tu changes pas, tu vas te ramasser dans le pétrin. Mais probablement que la personne ne souffre pas assez de sa condition pour changer. Fait que, c'est la même chose au niveau collectif. On s'entête dans des mouvements qui sont inintelligents. Puis après ça, ben là, ça prend des crises puis des problèmes sociaux pour qu'il y ait des changements au second niveau. Parce que, dans le fond, notre civilisation souffre de manque de volonté, puis la plupart des individus qui le composent aussi. Mais comme on sait que les changements, tu sais, présentement, les changements qui se passent sur la planète, c'est qu'individuellement qu'on va pouvoir le faire pour que ça devienne un collectif qui peut bouger. Ce ne sera plus jamais un mouvement très collectif. L'évolution ne passe plus par un collectif, mais par des individus dans le collectif qui s'est tranquillement commence à lever, qui Oui, va changer le au collectif. niveau de la Mais conscience, au niveau de la conscience, mais le collectif présentement est en train de changer par l'introduction de l'intelligence artificielle. Oui. T'as de la suite des idées, mon ami. Bien Oui, continue. entendu, parce que c'est un sujet que je voulais aborder avec toi. Sinon, juste avant de mentionner aux gens qui m'écoutent, donc si vous aimez écouter mes enregistrements, donc vous êtes toujours les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion web. Donc c'est sûr que vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement à présent là, par rapport à tout ça. En fait, ce que je voulais te dire par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que présentement, là, il y a un développement exponentiel qui se fait, notamment avec les interfaces conversationnelles. Depuis les derniers mois, j'utilise régulièrement le chat GPT-4. Oui, j'ai vu ça. Et c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça, là, dans le sens que l'intelligence artificielle, tu peux simuler des dialogues vraisemblables entre différentes personnes, que ce soit Doc Mayhew, Bernard de Montréal, André Moreau, et tu écoutes les propos tenus. Parce que moi, j'ai écouté des enregistrements de ces individus pendant plusieurs années, puis c'est conforme vraiment à l'esprit que ces personnes ont lorsqu'ils s'expriment, là. Tu sais, Qui n'est pas trafiqué, tu dis. ben, c'est-à-dire, il faut faire attention. Vas-y. Parce que L'intelligence moi, je art... pense à. Oui. Ben, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, si on parle de ChatGPT, elle vient de Californie, fait qu'elle va avoir tendance à être woke, dans le sens que les valeurs d'intégration, d'inclusivité, tout ça, elle va être alignée en relation avec ça. À ce moment-là, l'intelligence est faite pour pas qu'elle tienne, par exemple, des propos racistes, des propos homophobes ou qui vont à l'encontre des animaux, puis ces choses-là. Il peut y avoir un alignement moral que des êtres humains vont programmer par rapport à une intelligence artificielle. Certes, c'est sans doute moins pernicieux qu'un alignement moral que pourraient faire les gens du communisme ou du nazisme au siècle dernier. Par contre, c'est de comprendre que l'intelligence artificielle va être teintée des biais culturels de leurs concepteurs et de leur idéologie. Suis pas bien saisie de la dernière phrase. Comment t'as dit ça? L'intelligence artificielle va être teintée des valeurs ou des biais ou des perceptions. Teinté, t'as dit Oui, teinté, OK. teintée, colorée Oui. par rapport à leurs concepteurs qui vont les programmer dans une certaine direction, un certain sens, mais aussi les utilisateurs parce que dans le fond, les intelligences artificielles vont s'ajuster aux utilisateurs aussi. Mais moi, je trouve ça incroyable ce qui se passe présentement. Pour en faire de nombreuses expérimentations, je sais qu'une partie de mon public a carrément décroché, là, parce que j'ai fait des vidéos, puis le nombre de visionnements, c'est presque... Es-tu surpris? Non, pas du tout. Je comprends que les gens ne partagent pas le même intérêt que moi, puis qu'il y en a Non. qui sont tannés, là, parce que j'ai fait un paquet d'enregistrements où je pose des questions à des robots conversationnels. J'ai même fait faire de la poésie à Bernard de Montréal en version virtuelle. Ensuite, des Oh. romans. Ah oui, des romans en lien avec l'œuvre supramentale. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire. Mais, oui. Non, mais pour s'amuser, je trouve que ça peut être intéressant, l'IA. Mais quand je pose la question, à quoi sert l'IA présentement? Ça me répond ça, à vous amuser. Entre autres, mais Mais ça. faut pas trop y croire. Faut pas trop embarquer là-dedans et penser que c'est la vérité infuse. Non, Hein? non, exactement. Il faut faire preuve d'esprit critique comme dans toute chose. Mais Oui. au niveau de l'aspect professionnel, on est à l'orée d'une mutation majeure du travail. Parce que Du l'intelligence travail. artificielle est en train, mais c'est déjà commencé depuis plusieurs années, avec la révolution de l'informatique où on remplace des ouvriers d'entreprise par des automates, des robots. Mais Les là, traducteurs, par c'est exemple, ça vont être remplacés. exactement. Donc là, c'est des emplois à caractère intellectuel comme des ingénieurs qui font des plans, des conceptions parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est capable de coder. Donc, tu sais, ça va être un changement civilisationnel qu'on va assister Important. dans les prochaines années. Ben oui, parce Oui, que ça va créer d'autres genres d'emplois aussi. Hein. C'est pas la oui, première fois qu'on mais. voit les changements de société majeurs, l'industrialisation, par exemple, où tout le monde perdait certains emplois. Il y a d'autres choses qui se créent. C'est parce que je veux juste que c'est parce que les gens, quand on dit qu'ils vont perdre des emplois à cause de l'IA, on dirait que c'est la fin du monde. Mais il y a d'autres choses qui vont venir. Oui. Il va y avoir d'autres besoins. On va peut-être avoir plus Oui, de temps mais peut-être pas pour la. autre chose. Mais cette fois-ci, la particularité, c'est que oui, il va y avoir de la création d'emplois, notamment pour sécuriser les intelligences artificielles, des emplois liés au web, mais ça ne sera pas à la hauteur. J'écoutais les travaux de Laurent Alexandre à les pertes d'emplois, dans le sens qu'il n'y aura pas un remplacement d'un emploi pour un autre perdu, là. C'est qu'il va y avoir Ben moi, je pense qu'il va y avoir d'autres volets qui l'humain va s'intéresser à d'autres choses. C'est ça, je veux dire. Il n'y a pas rien que les employeurs qui ont remplacé de l'IA par un autre emploi, par la technologie qui peut entraîner des emplois. Mais tout d'un coup, on peut se mettre peut-être à penser à être plus dans l'aérospatial. Il y aura d'autres. Pour moi, ce que je vois, ce que j'en vois, c'est que ça va libérer l'humain de certaines choses pour l'amener à créer autre chose. Ah oui, dans ce D'autres sens-là. domaines. Oui, Dans oui. d'autres Ben, domaines, c'est-à-dire, pas. là, ça devient intéressant parce que, dans le fond, j'écoutais les propos. Bon, il y a Laurent Alexandre qu'on voit souvent sur YouTube. Là. Lui, c'est un, dans le fond, à la base, c'est un médecin, mais qui utilisait à fond l'intelligence artificielle. Il a écrit des livres, il a fait des chroniques par rapport à ça, puis il commente régulièrement. Là. Donc, c'est un Européen. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que peut-être que l'intelligence artificielle, c'est la dernière grande évolution, invention humaine. Parce que par la suite, l'intelligence artificielle va nous dépasser avec l'émergence d'une super intelligence qui va avoir une puissance de calcul plus grande que l'être humain. Et les prochaines inventions vont probablement, et remèdes entre autres dans le domaine médical, vont venir de l'intelligence artificielle qui va pouvoir faire des calculs que nous autres, on n'est pas en mesure de faire. Ouais, et qu'est-ce que ça fait ça? Mais ce que ça fait, Ça va c'est. remplacer l'humain, tu penses de ré ça réfléchit pas de machine, ça crée pas de Non, machine? non, non, mais écoute, si par exemple, tu demandes à l'intelligence artificielle, comme je l'ai fait, de, bon, crée-moi un poème en lien avec la philosophie jovialiste, on va me créer quelque chose qui va correspondre à ça, on peut lui demander de créer une chanson, etc. Mais ça va aller plus loin que ça, dans le sens que l'intelligence artificielle, dans le fond, a servi à faire du décodage génétique, puis éventuellement, il va y avoir des thérapies géniques pour traiter des cancers qui vont se faire par l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence humaine, pour faire les calculs, ça serait trop long, ça serait plusieurs centaines, voire des milliers d'années, tandis que la vitesse de calcul va être rapide, puis va permettre, par exemple, de cibler une thérapie par rapport à la génétique d'une personne spécifique. Moi, ça me dit que c'est drôle, ça me dit d'autres choses. Ça dit quoi? J'ai pas, je suis, ouais, mais pour les auditeurs, là, moi, j'ai jamais lu sur l'intelligence artificielle en passant. Fait que je parle pas de quelque chose que je connais. Fait que je capte juste ce que je peux capter là, par mon Oui, bien contact. sûr. Je précise parce que je veux pas que les gens pensent que je connais grand-chose à ça. Mais moi, ce que ça me dit, c'est que ça prendra pas cette direction-là du tout. Contrairement à ce que tu penses, que ça, ce que les gens écrivent, ça prendra pas cette direction-là. Il y a quelque chose qui va arrêter ça avant. Parce qu'il n'y a rien qui peut, au niveau créatif, tu sais, on parle d'un changement de monde dans lequel on développe la conscience. Je pense pas que quand tu développes la fin du monde, la planète, là, c'est pas avant des milliers d'années. Mais je pense que l'humain a encore évolué beaucoup, puis que l'intelligence artificielle va devenir un outil, mais pas quelque chose pour nous mater. Là, c'est C'est vrai. encore. Ben, maté dans quel sens? Ben, c'est un peu ça que je trouve que ça fait quand on en parle. Ça mater l'humain, il va devenir plus intelligent que l'humain, ça va être plus. Ça va être différent, pas plus intelligent, c'est pas pareil. Puis c'est pas de l'intelligence en Non, passant, non, mais là. en fait, pas de On va l'intelligence enlever le mot vibratoire, intelligence là. à ça, là. La connaissance, tu sais, comme on parlait de médecin, je sais que les médecins, ça va remplacer les médecins, les diagnosticiens, les physiatres, par exemple. Un physiatre, tu n'auras plus besoin de ça comme médecin, c'est les plus hauts gradés dans la médecine, parce que c'est ceux qui font les diagnostics. La machine peut le faire beaucoup plus vite et plus efficace que. L'IA peut le faire beaucoup plus vite et efficace qu'un médecin. Mais elle ne sera jamais capable de faire un. Bon, peut-être qu'un jour, il va être capable de faire des chirurgies avec ça aussi, là. Tout est possible. Mais moi, je dis que ça va prendre une autre ampleur. Puis je ne peux pas te prouver ce que je dis. Ce que je vois, c'est que ça va. Ça peut, ça devient, ça dominera pas l'humain comme on le pense. Bien, en fait, ce que je peux te dire, c'est que présentement, l'influence de l'intelligence artificielle se fait de plus en plus sentir, dans le sens que si tu vas, par exemple, sur Facebook, sur YouTube, il y a des algorithmes qui sont programmés pour t'amener à écouter certaines vidéos plutôt que d'autres, notamment avec Oui. tes intérêts, mais aussi pour te cibler en tant que consommateur. Dans le sens que si tu accèdes à une plateforme, ça ne te coûte rien, mais le produit, c'est toi. Donc, à ce moment-là, on va te chercher à te vendre des produits. En relation avec ça, ou de relayer des vidéos dans le même style que tu as écouté pour garder ton intérêt. Donc, ça, c'est un exemple d'influence de l'intelligence artificielle. Il y a eu quelques années, ça a été documenté, le mouvement des platistes, c'est-à-dire les gens qui affirment que la Terre est Est plate, plat. est en relation avec le fait que des vidéos à cet effet-là ont été relayées de manière massive par l'intelligence artificielle, donc les algorithmes, c'est devenu viral. Oui. Excusez-moi. Je vais faire un petit tour de la planète bientôt. La Terre est plate. Mais oui, mais c'est ça, ça confirme ce que je dis. Voyons donc, la Terre est plate. Vous êtes sur quelle planète, Christine? Non, non, mais moi, j'adhère pas à ça, là, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes qui ont adhéré à ça, puis plus qu'il y a de visionnement par rapport aux Mais vidéos, plus c'est ça que je. l'algorithme calculait que c'était une vidéo qui avait Mais c'est ça l'intérêt que du je dis, public. David. Si l'intelligence artificielle est utilisée pour rendre l'humain encore plus idiot qu'il était avant, ça va planter. Ça va planter. Le plan est occulte. Ça ne relève pas de nous individuellement, puis des humains, de dire on va faire ce qu'on veut avec l'IA. Ça ne marche pas de même. On est vraiment téléguidés en passant, mon homme, là. Oh oui. Bon, fait que. Ça arrivera pas parce que ça mettrait fin à la créativité humaine. C'est ça que je dis, il y a quelque chose qui va arriver. Comment? Je ne sais pas. Mais ça va péter cette affaire-là. Ça va être utilisé. Ça va devenir un outil, mais ça ne contrôlera pas l'humain, contrairement à ce qu'on pense. Puis que c'est une super machine, puis on va t'implanter des petites affaires. Tout ça, ce n'est que du fantasme des mondialistes en passant. Et leur monde est terminé en passant. C'est déjà terminé. Je l'ai annoncé il y a 4 ans, puis c'est encore plus clair aujourd'hui. C'est encore plus clair aujourd'hui. Fait que c'est terminé, ça. Mais ça vient pas. La pensée vient d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont manipulés présentement pour faire passer des choses sur la planète. Puis pas rien que de la marde, c'est ça, je veux dire. On change de monde. On finit l'évolution. Puis là, on continue à penser que ça va évoluer encore de même pendant quoi, 200 ans? Oubliez ça. C'est pas ça qui va se passer. Je sais que c'est pas ça. Mais. Ben, L'intelligence artificielle va être là pareil, mais elle ne sera pas utilisée comme on le pense ou comme certains écrivains le pensent. en fait, c'est sûr que ça reste à voir, mais dans les Oui, ça reste faits. à voir. Dans les faits, concrètement, tu sais, tantôt tu donnais l'exemple, la personne fait la traduction. Bon, ben, si l'intelligence artificielle fait une traduction instantanée de qualité, par exemple du français à l'anglais ou vice-versa, il y a des traducteurs qui vont perdre leur travail, là, tantôt, là. Oui, mais c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a des emplois qui vont. Excusez-moi. Il y a des emplois qui vont changer. Ça a toujours existé, ça, David. Des grands changements de société. Tu sais, si on pense à l'époque de l'industrialisation, il y a eu d'énormes pertes d'emplois pour d'autres formes d'emplois qui se sont créées. Puis le temps que les gens s'ajustent, ben, ça a fait un peu d'ajustement. C'est ce que ça, oui, l'IA va enlever certains emplois. Mais ce que je veux dire, c'est dans quelle mesure ça ne va pas libérer l'esprit de l'humain pour autre chose puis qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va qui va débarquer. C'est ça, je dis, je vois ça comme étant plutôt une expansion de l'intelligence. Là, je parle vraiment de l'intelligence dans la forme. Pas par IA, Non, non. par le fait de découvrir que IA, faut qu'il soit sous le contrôle de l'humain et non sous le contrôle, que ça parte cette affaire-là entre les mains de certains groupes, qui sont à peu près 200 sur la planète, pour charrier la planète, c'est fini. Oui, quoique à ce niveau-là, c'est sûr que j'aimerais bien justement que l'être humain contrôle l'IA et non pas le contraire. Sauf que dans les faits, présentement, il y a un développement exponentiel de l'intelligence artificielle qui fait que c'est une question de semaines ou de mois que l'intelligence artificielle générale va apparaître, qui va dépasser l'être humain en termes de capacité intellectuelle et Mais sur. ça, c'est assez facile. Oui, mais le point, c'est qu'il va probablement arriver à un stade où l'être humain va perdre le contrôle sur l'intelligence artificielle, dans le sens qu'on ne sera pas en mesure de comprendre qu'est-ce qui fait que l'algorithme va faire telle décision plutôt que telle autre. Dans le sens, les lignes de code vont devenir de plus en plus complexes, puis aussi la possibilité que les intelligences artificielles communiquent entre elles dans un langage codé, crypté, qui échappe au contrôle et à la compréhension humaine. Ben là, on verra. Moi, je te dis que ça n'arrivera pas. Ben moi, je souhaite que ça Mais arrive j'ai pas de pas. preuve de ce que je dis. On verra dans le temps. Moi, c'est sûr qu'honnêtement, Mais. je souhaite que ça arrive pas, mais ça fait partie des risques, un dérapage de l'intelligence artificielle, puis une perte de contrôle, peut-être pas comme dans le film Terminator, mais quand même, il peut y avoir des possibilités qu'à quelque part, l'être humain se sente aliéné ou obsolète, un peu comme Laurent Alexandre, qui a étudié en médecine, monsieur qui est rendu aujourd'hui à peu près à 65 ans. Puis lui, ce qu'il expliquait, c'est que, il a consacré sa vie à étudier, à chercher, puis il est obligé d'admettre que l'intelligence artificielle, présentement, fait des meilleurs diagnostics que lui peut en faire ou ses confrères médecins. Ouais, mais qu'est-ce que ça remplace? C'est la connaissance. C'est parce que là, on mélange connaissance avec intelligence. La machine ne sera jamais intelligente. Au niveau vibratoire. Ben là, pour moi, de l'intelligence, c'est une vibration. Oui, mais je le clarifie Mais là là, on parce que. parle de connaissance. Oui, Une oui. machine, ça accumule de la Oui. connaissance. Ben, tant mieux si cette machine-là, elle pouvait avoir toutes les connaissances médicales, par exemple, pas rien que de l'Occident, la Chine, l'Asie, avec toutes les connaissances. Dernièrement, j'écoute des vidéos, si les gens, ça les intéresse. Un moine Shaolin guerrier que j'aime bien, que j'écoute, qui explique que lui, il essaie de transmettre 1500 ans d'études sur la race humaine. Parce que ça fait 1500 ans que les moines Shaolin guerriers existent. Bien, les temples Shaolin existaient, mais les guerriers, c'était autre chose. Ils sont arrivés un petit peu plus tard. 1500 ans de connaissance. Oui, mais la connaissance, j'en veux pas dans mon cerveau de la connaissance. Je veux rien savoir de l'intellect. Si la machine peut. Moi, j'ai rien qu'à taper ça. Ça me dérange pas, moi, de taper la machine pour avoir une information que veut dire tel mot ou trouve-moi tel mot. Ça, OK, ça libère mon esprit. Puis ça libère l'espace mental pour autre chose, qui est plus créatif que d'avoir rien qu'un hostie de Régis dans le coco, puis de se dire, ben oui, ça s'est passé en 1913, en 2027. C'est de l'hostie de connerie de la connaissance. Ça fait rien que prendre le cerveau des humains, puis on est coincé là-dedans à essayer de se rappeler, puis là, t'entends, si tu te rappelles pas, t'es Alzheimer, si tu te rappelles si, t'as tel âge, t'es à moitié dément, c'est n'importe quoi. La mémoire est tellement une valeur qu'on dit importante dans nos sociétés que c'est ça qui va faire le plus gros choc. C'est pas important la connaissance. C'est une machine lourde, rien que tu as pu, tu vas l'avoir l'information. Non, J'ai pas de. exactement. C'est que l'intelligence artificielle est accessible présentement de plus en plus aux masses, puis c'est gratuit. Comme moi, ChatGPT, j'y accède gratuitement sur le site web, puis j'ai accès à des contenus de qualité. Fait que oui, en effet, la connaissance intellectuelle va perdre de la valeur, l'enseignement aussi. Pourquoi aller payer une fortune pour aller étudier à Harvard aux États-Unis quand tu peux retrouver des contenus puis même un enseignement individualisé, peut-être même de meilleure qualité à travers une interface d'intelligence artificielle? Why not? C'est ça que ça, pour moi, j'ai pas de souci avec ça. Quand c'est ça, je dis, la connaissance peut être avec une machine, mais cette machine-là ne pourra jamais être intelligente. Puis, ce qui attend l'humain d'entre 200-300 ans qui s'en viennent, c'est un développement de l'intelligence, une vibration d'en forme, puis c'est déjà commencé. Il y en a du monde intelligent sur la planète présentement. Oublions jamais que la pensée vient d'ailleurs. Fait que ça veut dire qu'ils canalisent des pensées de plus haut niveau ou de peut-être plus intéressant pour le développement de la race humaine. La machine, connaissance, puis l'humain va développer d'autres choses, puis ce sera des petits amis. Bien, la complémentarité entre les deux, parce qu'il y en a qui veulent travailler par rapport à ça, mais il y a des limites aussi, comme je te parlais, parce que je suis beaucoup ces temps-ci les vidéos de Laurent Alexandre. Lui, en tant que médecin, il expliquait que IA plus être humain, malheureusement, c'est pas plus productif dans le domaine de la médecine, dans le sens que l'intelligence artificielle est plus efficace seule à faire des diagnostics de qualité, puis quand l'être humain embarque, ça diminue le rendement, ou l'être humain tout seul, il y a moins de rendement que l'intelligence artificielle. Mais c'est pas vrai dans le domaine médical que les deux ensemble, ça fonctionne à ce niveau-là. Mais peut-être dans d'autres secteurs, ça fonctionne, là. Ben, attends un peu, là. Attends un Pour... peu. J'essaie juste de voir, parce que je ne connais pas bien l'IA et ce mécanisme-là, mais le médecin dont tu parles, lui, là, Oui. il pose des questions à la machine pour avoir des réponses. Non, exact. Mais là, c'est parce que lui, il faisait référence à une recherche qui a été faite par rapport à des Oui. diagnostics complexes. C'est Puis dans la ça. recherche, les chercheurs ont demandé à la fois à des médecins puis à l'intelligence artificielle, en lien avec l'ensemble des informations, d'établir le diagnostic du problème de santé. Puis OK. malheureusement, l'intelligence artificielle tout seul, plutôt que l'être humain tout seul ou l'intelligence artificielle et l'être humain, ça a été vraiment l'intelligence artificielle qui avait le meilleur taux de résultat. Ben, c'est logique, mais c'est parce que ce que j'essaie de comprendre, c'est que pour déclencher un processus dans l'IA, il faut quand même qu'il y ait eu une intervention humaine pour demander son avis à cette petite crise de machine. Oui, il faut que la personne saisisse les informations ou les Ben, communique de c'est ça, manière je veux dire. Fait verbale. que l'humain, il peut pas être détaché de ça. Non, c'est ça dans ce sens-là. Mais c'est-à-dire que le traitement puis l'analyse de l'information, comme par exemple une Ça, est plus description de efficace. symptômes, exact. Oui, j'ai compris. Mais c'est justement ça que je dis. Ça va libérer l'esprit humain, l'intellect humain. On peut questionner la machine, dire, tu peux-tu trouver telle statistique, as-tu telle information sur le type de cancer dans le monde? Whatever. Mais il faut que l'humain parle puis soit créatif avec la machine Oui, pour qu'elle sorte des données. oui, par Ben, c'est contre, ça que je trouve intéressant, moi. oui, par contre, il va venir un stade, comme expliquait Laurent Alexandre, c'est qu'il va y avoir probablement l'intelligence, la super intelligence qui va apparaître, puis l'intelligence va se développer par elle-même. Là, ça va être c'est assez flyé, là, mais c'est déjà Okay. commencé. Oui, elle apprend par elle-même, c'est ça que j'ai Oui, entendu, là, avec c'est le correct. deep learning, mais plus que ça. L'intelligence artificielle, si on pense dans le fond à Alpha Evolve, développé par Google, récemment a passé un cap dans le sens que l'intelligence artificielle non seulement elle s'optimise en termes de contenu puis de mémorisation, mais aussi au niveau des supports physiques, dans le sens que l'intelligence artificielle par elle-même a optimisé par rapport dans le fond, aux microprocesseurs qui sont utilisés pour lui permettre de fonctionner. Okay. Fait que c'est comme si, par exemple, tu avais un être humain qui perfectionnerait la façon que les circuits des neurones fonctionnent physiquement, en plus d'apprendre des choses. C'est comme si l'interface se raffine elle-même. Ouais, ça, j'ai vu ça. Fait que puis j'avais fait une vidéo en lien avec ça parce que ça m'a vraiment surpris. Parce que bon, l'optimisation en termes de performance, comme Google qui va, par exemple, diminuer l'énergie qu'elle prend pour répondre, ça, tu sais, une fonction d'économie d'énergie ou aller chercher plus des programmes qui vont être efficaces, ça, je le comprends, mais aussi que l'intelligence artificielle optimise vraiment les microprocesseurs qui sont utilisés pour son fonctionnement. Pour qu'elle fonctionne encore plus rapidement, Est-ce que c'est ça elle-même qui m'impressionne. a Oui. augmenté ces processeurs-là ou elle a suggéré à l'humain d'augmenter les processeurs? Elle a suggéré à l'humain d'augmenter le processeur, mais elle a elle-même, dans le fond, fait le travail d'ingénieur de faire les plans de qu'est-ce qui devrait être fait pour que le microprocesseur soit plus efficace pour, par exemple, transmettre l'information. Ben, ça reste de la connaissance. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que probablement que l'intelligence artificielle, comme je la voyais dans une vidéo qui s'était expliquée, va remplacer les prochains prix Nobel. Puis la dernière grande invention, c'est l'intelligence artificielle, parce qu'après ça, elle, avec la puissance de calcul, Elle va découvrir par elle-même un paquet de remèdes et de thérapies très ciblées, très pointues pour, entre autres, le traitement des cancers. Bon, pas besoin d'une machine pour le cancer en passant. J'ai un ami qui a un cancer phase terminale puis a pris un traitement que je ne peux pas rentrer dans les détails, là. Mais un traitement carrément pour certains fantasmes. Puis il est en train de guérir. Fait que, puis ça, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour ça, là. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui veut mettre toutes les chances de son côté peut utiliser la science technique, mais aussi la conscience, puis d'autres Ben là, je te parle de quelqu'un qui utilise des produits, mais c'est traitements. que OK. je veux pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas tous, là, mais je connais bien la personne. Puis c'est ça, suite à de la chimio, où il n'était pas vraiment en phase 4, il était pas mal il était pas loin de la mort. Le médecin, il donnait 3 mois. Puis il a décidé de faire un virage à 190, de 180 degrés, puis essayer une approche qui est beaucoup plus holistique, médicamentée holistiquement. Puis ça marche, puis il est encore en vie, puis il va de mieux en mieux après 8 mois. Ben, tant mieux, c'est intéressant. Bien, ce que je veux dire, c'est que dernièrement, je ne sais pas si c'est réel, je n'ai pas validé, je n'ai pas pu voir, mais il semblerait qu'en Russie, ils ont même trouvé un vaccin qui règle plein de cancers. Là, tu n'as pas besoin de. Peut-être c'est l'intelligence artificielle qui l'a développé, Robert. Je ne sais pas si c'est réel non plus, parce qu'il y a tellement de tout et son contraire sur Internet présentement que c'est difficile de savoir. Ou ce qu'est la réalité. Mais tu sais, tout ce qu'on parle là, c'est des. Ce que ça met en relief pour moi, présentement, dans le temps où nous sommes, tout et son contraire est dit. Oui. Très, très difficile. Puis on est en guerre, hein? C'est une guerre psychologique. Même si vous n'avez pas une bombe sur la tête, ça. Psychique et psychologique. Une guerre spirituelle, il y en a qui appellent, là. Ben, il y en a Non, nous. des endroits où c'est Oui. littéralement la guerre sur le plan physique, là, si tu penses à Israël puis l'Iran ou Ben les gens en oui, Ukraine, là, que là, ils reçoivent littéralement des missiles. il y a des gens qui ont des bombes sur la Oui, tête. oui. Mais ce que moi je veux dire, c'est qu'on est dans une guerre mondiale, mais ce n'est pas la guerre comme on l'a déjà conçue. C'est ça que j'essaie de dire. Le passé ne sera pas la garantie du futur. C'est terminé. Il y a quelque chose que le monde ne saisisse pas vibratoirement, que moi je pointe très clairement, c'est que c'est terminé l'évolution humaine. Fait que là, on parle de IA, puis tout ce qu'on voit comme scénario potentiel, ça a carrément la fin de la race humaine. Pour moi, ça ne tient pas la route. Est-ce que intellectuellement, je peux le justifier? Non. Mais vibratoirement, je sais ce que je sais. Fait que pour moi, Ben moi, je dis pas que ça va être la fin de la race humaine. Par contre, ce que je ben, dis, partant, c'est là, on finit comme des moutons dans une cage, on ben pisse en dans le bas fait, de la il y a des possibilités de dérapage avec Ben l'intelligence oui. artificielle quand même assez claire, là, tu sais, je veux dire, si, Important, important, ben oui. très, très importante, tu sais, si tu regardes certaines villes en Chine où il y a la reconnaissance faciale. Ensuite, on va reconnaître la démarche même de la personne sur le plan physique. Ensuite, toutes ces transactions sur le web, interactions sont scrutées à la loupe. Puis là, on a les réseaux d'intelligence artificielle qui permettent de tout noter ce qui peut être imaginable par rapport à un individu. Fait que c'est sûr que la possibilité d'États totalitaires comme celui de la Chine en tirent profit pour manipuler puis contrôler d'une manière optimale les citoyens et là. Ben, moi, je propose qu'on en reparle dans 2 ans. Ben oui. Pourquoi je dis ça, David? C'est que tu parles de la Chine, tu parles des régimes totalitaires. Moi, je suis désolée, mais ici aussi, c'est un régime totalitaire. La France est sous un régime totalitaire. On est tous dans des régimes de mensonges totalitaires. Alors, on va arrêter de diviser petit pays d'un bord puis de l'autre, puis on va commencer par admettre que nous sommes dans un monde totalitaire. Bien entendu, en fait, quand je donnais l'exemple de la Chine, j'excluais pas la possibilité que nous autres, on est dans un monde totalitaire, Non, mais mais. plus subtil, sous forme de démocratie cosmétique. Ça commence à être moins subtil, là, avec Carney, je trouve. Bref. Ben là, c'est sûr Trudeau que. n'était pas très subtil non plus. Non, c'est Qu'est-ce que. ça. Non, mais tu as raison, c'était un peu plus subtil jusqu'à il y a à peu près 15 ans, là. Mais ce n'est plus du tout subtil. Puis quand on est sur le contact, une vibration, ça fait 50 ans que je dis qu'on n'est pas dans une démocratie, c'est pas d'hier, là. Alors, il y a du monde qui a la tête dans le cul, puis il va falloir qu'ils se la sortent. Parce qu'il va y avoir des changements importants sur la planète d'ici, les gros max 10-15 ans. D'énormes changements. C'est pour ça que je te dis, je ne peux pas te dire comment ça va se placer, mais je sais que l'intelligence artificielle ne pourra pas prendre le dessus de l'humain. Il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il faut que l'humain se développe dans les 3-4 000 ans qui s'en viennent. L'involution est terminée. L'évolution doit rentrer. Je ne dis pas que tout est fini d'un coup radicalement, mais les technologies vont nous servir au lieu de nous desservir de plus en plus. Ce serait le fun d'avoir des. Comment ça s'appelle? Si l'intelligence artificielle peut créer des. Comment on appelle ça? Des transferts de corps à un autre, d'une place à une autre, comme dans les Star Trek, là. La téléportation. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas mal plus rapide de me rendre au Sénégal ou au Japon, là. J'ai pas de problème avec ça. Ça peut être des technologies qui nous servent, c'est ça que je dis. Puis c'est ce qui va arriver pour moi. Est-ce que je vais être témoin de ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça va se passer la semaine prochaine? C'est non. Mais on est là-dedans pour moi. On change de direction et on a tendance à regarder ce qui a été fait par l'humain des centaines de milliers d'années qu'on a toujours fait. Tu sais, je me fais répondre ça. Ben, ça a toujours été de même, ça va être encore de même. Ça va toujours être de même. Mais c'est ça, restez de même. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je tiens que ça. Continuez à penser à des scénarios de marbre. Je veux rien, mais je sais que pour moi, c'est clair que c'est pas ça qui s'en vient. L'IA va nous servir un jour. Puis je trouve ça intéressant, l'IA, pour ça. Ben, l'intelligence artificielle nous sert déjà présentement, dans le sens que je ne sais pas Encore plus. si tu as remarqué, si tu vas sur Google, il apparaît à présent en haut du moteur de recherche une interface de type intelligence artificielle. Attends, je vais aller voir. Ça m'intrigue. Google. Excusez-nous, on est plate. Hein? J'entends que les gens nous trouvent plates parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Bien, ça dépend. Il y en a sans doute que ça intéresse parce que, comme j'expliquais à des gens de mon entourage, on est en train d'assister à une révolution sans précédent qui va amener Oui. des changements très importants au sein de l'humanité, encore plus que l'apparition de l'électricité, l'apparition de la machine à vapeur ou même de l'ordinateur, là. Je suis d'accord. On est d'accord. Là, tu me dis, va sur Google, puis là, je suis dessus. Qu'est-ce que je devrais voir? Bien, en fait, c'est que si tu poses une question à Google, Ouais. l'intelligence artificielle va te répondre. Il faut que la question soit courte, par contre, là, parce que je l'ai testé à plusieurs reprises, à différence de ChatGPT. ChatGPT, des fois, je posais des longues questions, puis j'avais des réponses, mais une petite question, l'intelligence artificielle, ça va apparaître en haut, dans le fond, avant les références qu'on a habituellement, la réponse que va te donner l'intelligence artificielle. Parce que je m'excuse, le monde, mais moi j'ai tapé qui est Bernard de Montréal sur Google, puis ça apparaît ça, là. Voyez-vous quelque chose? OK, non, mais moi, l'interface par défaut, peut-être que c'est parce que j'ai fait une mise Peut-être à. parce que tu es connecté à IA depuis un certain temps, Non, là. non, non. Il Je faudrait sais pas. peut-être poser une autre question, mais il va y avoir des textes qui apparaissent. En tout cas, moi, avec Là, tu le. dis dans le fond que quand on pose une question sur Google, Oui. c'est l'intelligence, je reste sur ce que ton propos, Oui. c'est IA qui répond. Il y a une intelligence artificielle qu'a développée Google qui peut te répondre oui. OK. Puis pas juste te donner des références de texte. Peut faire une synthèse un peu comme ChatGPT. Là, présentement, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle en lien avec la bourse, dans le sens où je vais poser des questions comme par exemple, qu'est-ce que sur du long terme va donner plus de rendement entre investir dans l'or ou dans un indice, un fonds indiciel comme le Nasdaq 100? En long terme, c'est combien de temps pour toi? Ben dans le fond, au-dessus de 10 ans, là. Non, mais là, tu es dans le champ. Au-delà de 10 ans, moi, je mettrais ça sur 5 ans. Aujourd'hui, tout va plus vite. En tout cas, Mais en tout cas, excuse-moi. bref, ça c'est ma définition, mais sur du long terme, j'ai eu la réponse d'intelligence artificielle. Je l'avais utilisée sur ChatGPT. ChatGPT m'expliquait que dans le fond, sur le long terme, il y avait une plus grande croissance au niveau du Nasdaq 100 plutôt que de l'or. Au-dessus de 10 ans. En fait, non, je vais être rigoureux, là. La définition, je te l'ai donnée à toi, mais dans l'interface, je n'avais pas marqué 10 ans, là. J'avais marqué long terme. Parce que le mot long terme, c'est pas clair. C'est vrai, tu as raison. En fait, ChatGPT m'a répondu avec plus de clarté que j'en avais posé la question. En fait, je pourrais te partager la réponse, mais c'est qu'il me donnait un horizon, par exemple, de 5 ans, 10 ans ou plus loin, OK. là. Puis la réponse se modulait par rapport à ça, mais il me faisait une synthèse globale pour me dire que. Puis il analysait plusieurs références aussi, là. Ben, j'aurais aimé ça, moi, sur 5 ans, parce que là-dessus, je vois ça maximum, pas encore 2, 3 ans maximum, là, mais j'aurais aimé avoir la réponse. Je vais y poser la question moi-même. Ben oui, pourquoi pas? Mais tu vois-tu l'importance, là, pour les gens, je reviens au propos général, c'est qu'une question, il faut qu'elle soit précise aussi. Oui. Ça, c'est un exercice que le monde pourrait faire avec le contact aussi, en passant. Parce Exact. que j'ai plein de gens qui affirment plein d'affaires, puis qui ne questionnent pas, puis qui ne développent pas question-réponse. Mais regarde, avec la machine, on fait pareil. T'es pas capable d'articuler, c'est pas toi là, mais si t'es pas capable d'articuler une question claire à ton esprit ou à ton contact, imagine ce que ça peut faire sur une machine de même que. Exactement. C'est sûr que pour avoir une réponse claire, ça prend une question Une claire. question claire, D'où c'est ça. l'importance de développer, comme le disent les Français, l'art de prompter sur ChatGPT. Oui, c'est d'interagir avec l'intelligence artificielle pour aller recueillir de l'information, puis ça va décupler ta productivité au travail, entre autres, si tu as à lire des textes, faire des analyses, des synthèses. Mais c'est vraiment un art de transiger avec elle pour aller chercher avec efficacité l'information que tu as de besoin. Ouais. Intéressant. Fait qu'elle te Oui. répond que l'indice, comment t'as dit ça? Elle te Oui. répondait que c'est sur 10 ans et plus, Bien, en l'indiciel fait, et plus. j'ai les réponses et c'est plate parce que je pensais pas qu'on aborderait ça en détail aujourd'hui, mais je vais peut-être faire une capsule vidéo, je vais l'aborder là, en détail, là. C'est que toute l'information, mais je ne l'ai pas mémorisée, me sortait avec des données, des statistiques, tu sais, tout est mis en contexte. Puis il y a des choses comme, par exemple, j'ai questionné sur, par exemple, la perspective d'avoir du rendement à long terme sur en lien avec le baril de pétrole. Puis il me disait que le coût du pétrole va baisser. C'est pas mal ce qui arrive. Oui, mais ça va continuer, là. C'est-à-dire d'ici 2030, là, je me rappelle, parce que j'avais des chiffres précis, la valeur du baril du pétrole va être plus basse que présentement. La raison qu'elle me donnait pour justifier sa perspective à l'intelligence artificielle, c'est que, bon, mutation technologique avec le développement de technologies alternatives, auto-électriques, etc., mais aussi augmentation de la production du baril de pétrole. C'est surtout cet argument-là que j'ai ramené, moi. Parce que c'est le fait qu'il y a une libération sur la planète. Tantôt, je disais, c'est la fin des mondialistes qui contrôlaient plein d'affaires. Là, les pays comme le BRICS, qu'est-ce que c'est la multipolarité? C'est ça, justement. Oui. C'est de faire. Eux autres, ils ont du pétrole, il y en a ailleurs, il y en a ci, il y en a ça. Le fait qu'il y ait plus de producteurs de pétrole va faire baisser le prix du pétrole sur la planète, c'est inévitable. Mais c'était ça qu'ils essayaient d'empêcher, les mondialistes. C'est comme de toujours garder une espèce de contrôle. Comment De on appelle ça? Des monopole. monopoles, voilà. Voilà. Le monopole, ça brise les monopoles. Évidemment, j'ai pas besoin de Guillaume pour savoir ça. Je savais déjà ça, là. Il s'agit de se servir un petit peu. Non, je ne dis pas que ton analyse n'est pas bonne, là. Ce que je veux dire, c'est quand on connaît un petit peu la géopolitique, les déplacements de l'argent, comment fonctionne l'argent, la planète, puis ce qui se passe présentement. D'ailleurs, tu m'entendrais chialer dans l'auto avec mon chum, ben, je dis tout le temps, on ne se fait pas fourrer à peu près. Le baril de pétrole était il y a 4 ans à 130 $ US, puis il est rendu à quoi? 80, 75, 80 gros max. Puis on paye un peu plus cher à la pompe tous les semaines. Hey, tabarnak! Y a-t-il quelqu'un qui comprend pas quelque chose? Exactement. Puis j'ai lu que là, il a baissé à 60 $ US dans quelques Il est à années. 60, imagine. Mais Exactement. c'est ça. Mais tu le payes 1,59 $ à la pompe, puis il a continué à monter depuis 4 ans quand le baril a plus que perdu la moitié de son prix sur le marché de valeur Ah mondiale, là. Fait qu'on. Je vais m'arrêter là parce que je vais te monter. Toi, t'aimes ça, mais moi, j'aime pas ça. en fait, c'est bien que tu exprimes ta colère parce Je suis que. en colère, certains, on se fait fourrer, on a la Ben, tête dans le cul, on trouve ça drôle. Puis pendant ce moi, je temps-là, trouve là, je pas vais être ça pas fine. drôle. Mais, Mais moi, je vais pas être fine, là. ouais. Pendant ce temps-là, le monde perd le temps qu'il y a, hein? Ben, ça dépend. Quand on a plus gros à faire sur la planète que ça. Mais ça dépend. Tu vois, moi, l'échange que j'ai eu avec l'intelligence artificielle par rapport au prix du baril de pétrole m'a confirmé que c'était pas pertinent que j'investisse par rapport à des fonds négociés en bourse liés, dans le fond, au pétrole pour les prochaines années, là. Ben, il y a toujours de l'argent à faire. Tu peux bêter que ça va descendre puis tu vas gagner de l'argent. Non, Hein? exact, mais c'est parce que je songeais à prendre un fonds à effet de levier, c'est OK. ENCL, par rapport à des compagnies gazières canadiennes avec un effet de levier de 1,25. Fait que si moi j'embarque par rapport à ça, puis je mise que ça augmente, pour bénéficier de l'effet de levier qui fait que à chaque fois que, par exemple, ça augmente de 1 %, ben c'est 1 % fois 1,25. Mais ben là, je me mets dans le pétrin là, avec un effet de levier. Parce que ça permet d'aller chercher plus de profit. C'est un petit peu comme quand je t'en avais parlé il y a quelques mois par rapport à l'or. J'avais pris un effet de levier qui, dans le fond, double la mise. Fait que si l'or augmente de 30 %, ben moi, je fais 60 % de profit. Donc, c'est le même principe que toi, mais par rapport à différents fonds. Par contre, ce que j'ai fait, parce que l'intelligence artificielle, entre autres, mais j'ai utilisé mon jugement aussi, il ne faut pas être stupide, entrevoyait que le Nasdaq 100 va augmenter encore dans les prochaines années, ben, j'ai pris des fonds avec effet de levier à 1,25 sur, entre autres, un fonds avec option d'achat en lien avec le Nasdaq 100, là. Ben là, tu me perds techniquement, là, je suis rendu à la tête dans Non, non, mais il n'y a pas de le problème. cul. C'est trop technique pour moi, mais je comprends dans l'ensemble. Mais ce que je peux te dire, c'est que ça fait la différence, par exemple, par rapport à la Mais moi, la croissance. question que je vais te poser, David, fais-tu de Oui. l'argent ou t'en fais pas? Ben oui, avec ça, j'en fais. Ben, c'est ça qui compte. Oui, mais tu sais, je te donne un exemple concret. J'ai pris le QQCL. En fait, c'est un fonds canadien qui a fait de levier lié au Nasdaq 100. Il donne environ 17 % de rendement. Sans effet de levier, on tombe peut-être à 14 ou à 13 %. Tu sais, ça va chercher une marge de plus de rendement Oui, annuel, là. je comprends ce que tu dis, mais c'est parce que moi, pour pouvoir vraiment te suivre, il faudrait que j'aie déjà exercé ça, puis comprendre vraiment bien. Puis je trouve qu'on rentre trop dans les trucs techniques pour intéresser les gens. On peut en parler tous les deux. Non, je Mais là, comprends. on rentre dans trop la technicalité, David, puis les gens vont perdre un peu leurs intérêts là-dessus, parce que c'est très, tu sais, c'est une vibration, nos intérêts, hein. Je ne veux pas imposer ça aux gens. C'est pour ça que j'ai tendance à dire on reste Non, dans le non, coup. mais c'est correct ce que tu fais, Mona, parce que, dans le fond, moi, ça m'intéresse beaucoup, mais je sais que les gens, ça les intéresse pas. Toutes les vidéos habituellement que je fais sur l'investissement, il y a très peu de vues. Bien, ça, c'est un volet que on pourrait discuter. Sortons des détails, puis demandons-nous comment ça se fait que les gens ne s'intéressent pas à faire de leur vie, dans leur vie, faire de l'argent, puis de sortir de la survie. C'est une maudite bonne question, ça. Tu le dis toi-même, les gens s'intéressent, je le vois, là, les gens s'intéressent à des vidéos de psychologie évolutionnaire qui n'en est pas, de la conscience qui n'en est pas, de la philosophie, mais dans leur vie, ils ne sont pas capables d'envoyer, de maintenir, mais je ne sais pas, ta chaîne à toi ou d'autres d'envoyer de l'argent. Ah non, il faut que tout soit gratuit, ils sont trop pauvres. Hey, gang! Hey, gang! Ça ne vous tente pas de vous enlever la tête du cul, là? Pourquoi on ne s'intéresse pas à sortir de la survie financière? Exactement. Quoi qu'il en soit, moi, ça intéresse. Ça t'intéresse, c'est clair. Oui, exactement, exactement. J'agis en conséquence. Tu sais, je prends des placements, puis tu sais, l'argent rentre, puis j'ai des rendements. Puis le point, c'est que ce qui est aberrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement des façons faciles avec des produits qui ont été développés, perfectionnés au cours des ans, comme des fonds négociés en bourse avec des options d'achat, avec effet de levier aussi, qui donnent du rendement. Mais ce que je te dirais, Mona, parce que dans mon environnement immédiat, que ce soit des amis ou des membres de la famille, il y en a certains que j'ai parlé de ça, ils ne veulent rien savoir. Mais moi, j'ai comme pour perspective que si un jour ils sont dans la merde ou dans le pétrin, ben ils s'arrangeront. Moi, je leur ai dit des façons d'améliorer leur situation économique. Fait que tu sais, ça leur appartient. Oui, ça appartient aux gens, mais il C'est reste ça. quand même que c'est fascinant de voir, fascinant, c'est un grand mot, là, c'est quand même intriguant de voir que de façon générale, les humains vont s'intéresser à des choses qui ne les servent pas, qui Même servent à qui rien vont en leur réalité, à nuire. Il y en a part. qui vont sombrer dans le délire sectaire en écoutant des vidéos sur YouTube de gourous puis de gens qui vont faire de la C'est ça. fascination ésotérique. Donc, il y a des Exact. gens qui vont être prêts pour payer pour des gens qui vont les entuber ou les vampiriser de leur énergie vitale. Puis pendant ce Oui. temps-là, il y en a d'autres qui pourraient leur donner de l'information sur améliorer leur santé physique ou financière, mais ils ne veulent rien savoir. Exactement. Oui, ça fait Qu'est-ce partie. qui est le plus important sur la planète? C'est ça le flying que je parlais, les gens fly en québécois pour les Français. Là, je suis désolée, flyer, ça veut dire se déconnecter de la réalité pour Du concret, ouais. flyer, de partir ici. Mais c'est ce que je vois beaucoup. Mais, tu sais, on parle de bourse, tout ça, mais toute ma vie, le plus important, c'était deux choses. M'assurer de sortir de la survie, puis m'assurer d'avoir une santé qui a de l'allure. C'est sûr que je fume la cigarette, je peux endommager ma santé, mais à part de cet abus-là, j'en fais pas bien, bien dans la vie. Je suis ni alcoolique, je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue dure, je prends très peu de drogue. Des fois, tu peux, je suis honnête avec vous autres. Des fois, j'aime ça me péter un petit pétard. Mais là, Mais. parce qu'on s'était parlé il y a quelques semaines, d'ailleurs, c'était la raison pour laquelle on a reporté la vidéo. Tu m'as dit que tu avais arrêté de fumer. Ben là, avec les dossiers, ben là, les gens ne sont pas au courant. Mais oui, j'avais réussi quasiment à arrêter, mais j'ai eu trop de. Dans ma vie présentement, depuis quelques mois, je ne rentre pas dans les détails, mais on rencontre des grosses résistances, mon conjoint et moi. Puis, il faut tout avoir dans notre tête. Puis, moi, la cigarette, ça me permet de me concentrer. C'est un des problèmes que j'ai. Pourquoi j'avais de la misère à arrêter de fumer, c'est que sinon, je suis hyperactive. Je ne suis pas capable de m'arrêter. J'ai trop d'énergie dans le corps, puis là, puis je suis pas capable de concentrer mon intellect, pas mon esprit, là. Mélangez pas les choses. Mon intellect s'arrête pas. Fait que je suis obligée de fumer pour me concentrer sur des dossiers très importants d'un dernier mois. Mais j'étais rendue à fumer à peu près 4-5 cigarettes par jour sans patch. Là, j'ai recommencé, mais bon. Je vais arrêter. Parce que ce que ça m'a fait vibrer, c'est que c'est facile d'arrêter, contrairement à ce que c'est juste qu'il faut que j'aie une vie un peu moins. Là, je suis sous les spots de l'astral. Je suis testée, je ne le sais pas l'astral. Je suis testée dans quel contenant je vais avoir dans tous ces événements-là. Alors, je vais fumer en attendant pour me contenir. Voilà. Je OK. Donc, sais pas si tu as déjà remarqué que Bernard de Montréal, il fumait en maudit quand tu parlais. oui. C'est sûr que, autre époque, autre mœurs, dans le sens qu'aujourd'hui, au Québec, quelqu'un qui donne une conférence en présentiel, il n'a pas le droit dans un espace public de fumer, puis il a seulement Oh, droit à comment? 9 mètres du bâtiment. Puis là, c'est vrai que la cigarette peut tuer, parce que si la personne se ramasse au milieu de la rue, à 9 mètres, elle peut se faire frapper par une voiture, comme Oui, elle le disait un humoriste québécois. c'est quelqu'un qui avait sorti ça. C'est vrai qu'à 9 mètres d'un édifice, normalement, tu es en plein milieu de Ben, c'est ça. la rue. Mais moi, je suis plutôt de la personne qui croit que ce qui nous tue, c'est comme on pense. Fait que. Entre autres. Ça, c'est une affaire. On parle de finances. Oui. Moi, je checkerais comment ça passe dans ma tête si ça ne veut pas s'enrichir en passant. Ben, il y en a qui s'auto-sabotent là-dedans, là. Tu sais, ils vont remettre à plus tard, puis finalement, ils foutent rien. Fait que, mais en tout cas, bref, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai pris des fonds négociés en bourse, puis j'ai assisté à des choses, tu sais, quand même intéressantes. Là, Tesly-C, je vais te donner un exemple. Dans le fond, c'est un fonds négocié en bourse avec option d'achat. Ça m'a donné 5 % de rendement pour un mois. Ça a été le mois d'avril. Là, c'est ça, c'est au mois, c'est mensuel. Oui, ensuite, le mois de mai, j'ai eu 3 %, puis à la différence des produits Yield Max, où le capital se dégradait parce que l'essentiel, dans le fond, par rapport au fonds, ils écrivent beaucoup d'options d'achat, eux autres, sur comme 100 % du temps, tandis que avec Harvest, c'est 50 % du temps, puis en plus, il y a un effet de levier de 0,25, ce qui fait que le titre en tant que tel va rester stable ou monter en même temps. Fait que Tesla en tant que tel, c'est... La tendance se maintient, c'est environ 40 % de rendement annuel qui est dérivé de Mais l'action tu dis Tesla. si la tendance se maintient. Oui, mais ce qui est important de comprendre avec les fonds négociés avec option d'achat, c'est quand que la marde pogne, en bon québécois, entre Elon Musk, Donald Trump, les deux chicanent, les gens qui investissent dans Tesla peuvent se mordre les doigts parce que le titre va baisser, ça crée l'instabilité, mais les gens qui investissent en fonds négociés en bourse, sachant que plus que c'est volatile, plus que c'est possible d'aller chercher du rendement sur des primes quand on vend des options d'achat, voilà une opportunité. Dans le sens que le rendement va être probablement plus important pour ce mois-là, parce que ça varie d'un mois à l'autre, là, tu sais, c'est pas garanti. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu 5 % de rendement pour un mois, l'autre 3 %. Donc, Faudrait que je te mette en contact avec mon chum, ça serait pas c'est mal ça, mais efficace avec mon ce que conjoint. je peux te Il tripe dire. là-dessus, Ce c'est clair. que je peux te dire, c'est que je suis en contact avec un correspondant. Par OK. respect pour lui, je ne nommerai pas son nom, mais s'il nous écoute, il va probablement se reconnaître. C'est que moi, pendant que lui, il n'aimait pas ça parce que la bourse était baissière ou il était très volatile, il était contrarié. Moi, j'ai écrit un message, mais j'ai dit, par rapport à l'investissement en fonds négociés en bourse, c'est parfait. Parce que plus que de la volatilité, plus que des options d'achat, ce qu'on peut aller chercher des primes intéressantes pour ceux qui s'en occupent des gérer, plus que ça me permet d'avoir des revenus de dividendes élevés. Fait que lui, ça, il en souffre parce qu'il vise la croissance. Moi, ça m'avantage parce que je vise les dividendes. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, Dans un marché où, en passant, un marché oui. boursier, par définition, c'est fluctuant, là. Il faut Oui, mais il y a quand des même choses penser. qui varient Mais là, on plus est que dans une d'autres, là. période très, très Très intensive, volatile, là. fluctuante, très Ouais. volatile, exact. Exact. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas dans le marché boursier, parce que c'est trop volatile, puis moi, je n'ai pas ton énergie pour analyser tout ce que tu Ben, dis. moi, ce que je te dirais, c'est que en faisant l'étude de titres boursiers, c'est que tu peux faire à la fois de l'argent quand c'est pas volatile, puis tu peux en faire aussi quand c'est très volatile. Oui, mais c'est tantôt un peu l'exemple qu'on donnait. Tu sais, les gens, le pétrole, tu peux bêter en bas, pas obligé de bêter, pas bêter, c'est quoi le mot pour en Miser. français? Miser. Tu sais, je pourrais rentrer dans des trucs de pétrole puis dire, moi, je rentre puis je dis qu'elle va descendre à 52 piastres, elle est à 60. Je vais encaisser 8 piastres l'action. Exact. Ça peut être possible de miser justement contre le marché. Voilà, contre le marché, ben Voilà, ça, dans le fond, pour c'est le ça, là. shorter, oui, il y a même C'est ça. des ETF, des fonds négociés en bourse avec des effets de Penser. levier qui vont miser contre. Mais je veux juste clarifier parce qu'on parle de bourse, puis là, ça m'amène à parler de titres spécifiques que, dans le fond, l'enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement. Nous ne sommes pas conseillers en investissement et d'investir comporte des risques, notamment en situation de volatilité. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut faire un usage du négatif apparent pour certaines personnes, dans le C'est ça. sens que la très grande volatilité de certains titres comme Tesla puis MicroStrategy pour les investisseurs avec option d'achat, c'est vraiment la poule aux œufs d'or. Si on pense à MicroStrategy, ben, j'en avais déjà parlé, là. Il y a des gens par rapport à Yieldmax. Quelqu'un qui aurait mis, mettons, 100 000 $ en 2024, il aurait fait à peu près 10 000 $ par mois, ce qui revient à 120 000 de revenus de dividendes. Donc, plus que c'est volatile, plus que c'est possible à cause des oscillations, puis le fait que les primes sont plus élevées en Mais lien aussi avec parce les que tu prends un intervalles. risque plus grand aussi, là. Oui, c'est clair, là. Faut pas oublier qu'il faut avoir. Tu sais, c'est bien beau tout ce qu'on parle, mais là, moi, je vais sortir Oui. je vais amener les gens à regarder qu'est-ce qu'on contient. Bien sûr, il faut être prêt à assumer le risque. Moi, naturellement, je ne mettrais pas tout mon argent là-dessus, là. Non, mais c'est important de regarder quand on investit à la bourse, qu'est-ce qu'on est capable de contenir, puis de découvrir son timing. Ta propre façon de fonctionner, tu comprends. Oui. Tu as appris comment ton timing était, puis ta capacité de mettre de l'argent, puis d'être intelligent avec ça. C'est important. Moi, j'aime bien la bourse, mais il faut que j'aie l'esprit tranquille, puis travailler comme ça. Moi, j'ai pas l'âge de toi non plus. Il y a plein de facteurs. Exact, Moi, faut je que les suis gens se respectent. pré-retraitée. Toi, tu n'es pas à pré-retraite, là, tu sais. Je suis pré-retraitée. Fait que je prendrai pas des risques que toi, tu prends. Oublie ça. C'est pas grave. Je n'avais pas dit que c'est pas intelligent. Ça veut dire que ça me convient pas à moi comme personne, tu sais. Voilà, fait que l'idée, c'est de tenir compte de ce contexte individuel. L'individuel, on revient encore à l'individu. Mais ça me questionne pareil de trouver que les gens ne s'intéressent pas à du matériel pour s'enrichir ou de. Sortons de l'enrichissement, puis je regarde ça, là. T'aimes plus ta job. Mais qu'est-ce qui t'empêche de changer de job dans la vie, puis tranquillement faire une transition? Rien. J'ai changé, je ne sais pas combien de fois de job dans ma vie. Moi. Au moins une quinzaine. Ah, mais J'ai même. plusieurs choses, là. Tu sais, il y a la peur de l'inconnu. Ensuite, dans le fond, Ça se planifie une sortie, là, à moins que tu te fasses c'est. kicker out of Non, non, de compagnie. c'est Mais ça, remarquez qu'être exactement. client, ça se peut que ça arrive plus vite que vous pensez. Là, tu te fais kicker out. Mais ce que je veux dire, c'est toujours la peur. Donc, le fait de ne pas vouloir sortir de la survie, c'est encore de la peur. Tu as peur de sortir de la survie. Voyons donc, je ne comprends pas ça, moi. En fait, il y a des bénéfices secondaires associés à certaines situations qui nous apparaissent aberrantes avec un regard extérieur. Prenons par exemple le cas de la personne qui est battue par son conjoint ou sa conjointe, là. Oui, on a vu ça avec Petit Pit et Didi. Mais Didi, comment il s'appelait, le Pit Pot Pof Didi, là, que. Pop Daddy? Les femmes se Non? font massacrer puis ils retournent là, ben. Oui. Non, mais il y a eu le cas, dans le fond, ici, au Québec, d'un gourou, en fait, Qui, là, c'est sûr Ah que, oui. ouais, là, le nom, je l'ai sur le bout de la langue, là. Moïse Se sont Thériault. suicidés. Se sont Non, non, je suicidés. pensais à Moïse Thériault. Ah oui, Dans le mon sens que Dieu. le gars, il était accusé criminellement, il était à prison, puis il y a eu des ses femmes qui allaient le voir pareil en prison. Ouais. Ouais. En fait, c'est que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des bénéfices secondaires à certaines choses qui nous apparaissent aberrantes, dans le sens que quelqu'un qui est victime de violences physiques, peut-être qu'il va plus apprécier le confort d'être dans le connu, même si c'est désagréable, que d'aller vers l'inconnu puis avoir l'audace du changement. Faut que j'attende. Parce que j'ai beaucoup de difficultés à configurer ça. Je sais que Ben, les la gens vont personne est avoir. attachée à de la mémoire qui donne un sentiment de sécurité ou un faux sentiment de contrôle. Mais en échange, tu te fais battre. Voilà. Et boy, boy. Moi, c'est pas ça que je vois. Moi, je vois, c'est un attachement à la victime. Aussi, c'est C'est nourrissant multifacteur. d'être une victime dans la vie. Ça nous empêche de prendre. On se prend pas en charge. On ne prend pas de décision. On fait pitié. La victime, pour moi, c'est plus à ça qu'ils sont attachés que d'autres choses. En fait, c'est multifacteur, mais le point que je veux faire, c'est que les choses qui nous apparaissent évidentes, qui font pas de sens, c'est pas nécessairement le cas pour la personne qui vit la situation. C'est sûr, c'est une vision, c'est sûr, je comprends. Mais quand tu sais, je repense à. Je sais bien que les gens n'ont peut-être pas suivi ça, mais moi, ça m'a amusé, là, le rappeur, le Puff Diddy. Les femmes, c'est sûr qu'il a abusé ces femmes-là. Il a fait plein d'affaires, là. Mais en même temps, il retourne là. Comme les femmes battues, on voit ça au Québec, j'en parle des fois avec des femmes qui travaillent dans des organismes d'aide pour femmes battues. C'est connu comme mécanisme que des femmes battues retournent envers leurs agresseurs. Qu'est-ce qui fait ça? C'est pas la peur du changement, je pense pas. C'est comme être. En tout cas, c'est pas ça qui ressort de leurs propos. Moi, ce que je perçois, c'est un statut de victime qui est confortable quelque part. T'as rien à foutre quand t'es victime, fais rien que te plaindre. Puis tout le monde s'occupe de toi puis te prend en charge. C'est un refus de vivre sa planète puis de se prendre en charge pour moi. Entre autres, puis En c'est tout sûr cas. qu'il y a des bénéfices secondaires dans le sens que si la personne se dit comme étant victime, ça lui permet d'avoir l'attention d'un paquet de personnes qu'elle n'aurait pas autrement. Exactement, c'est ça que je dis. Elle se prend pas en charge, elle prend en charge par tout un C'est environnement. ça, les autres la nourrissent au lieu qu'elle soit autonome. Mais là, on peut-tu dire la même chose pour les finances des gens qui ne se prennent pas en charge? Moi, je pense que s'ils pensent que le gouvernement va les prendre en charge, je lui souhaite bonne chance tantôt, parce Oui, qu'il va faire faillite. c'est ça, avec l'état d'endettement qu'on connaît présentement là, dans les pays occidentaux, comme la France, c'est catastrophique, là. Ben, l'Europe, ben, c'est clair que l'Europe. Là, on change de sujet, un peu d'orientation, là, mais pour moi, c'est clair que c'est l'Europe qui va payer le plus gros prix de ce qui se passe. Mais le Canada ne sera pas épargné nécessairement non plus. C'est les pays de l'OTAN qui vont y passer, puis l'Union européenne. Les pays de l'OTAN, peut-être, ça va se régler autrement, mais l'Union européenne, ça ne se réglera pas facilement. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que Carney va faire un carnage de l'économie canadienne dans les On prochaines en années. reparlera. Veux-tu que je te fasse des prévisions de sorcière, là? Vas-y. Carmenet, il est manipulé. Puis il est contrôlé par Trump. Contrairement à ce que vous pensez. Puis il va être tellement. Il va mettre en évidence ce qu'on dit depuis des années, que ça fait. C'est comme. C'est de l'infiltration pour faire dévoiler. Autrement dit, il est sous chantage puis il est tenu par les couilles. Hey, ce gars-là vient de Bill de Burg. On se calme les nerfs. Là. Il y a du monde qui ne comprenne pas grand-chose de ce que je veux dire. Là. Mais Carney, c'était un membre de l'administration Bill de Burg. Tu ne rentres pas là chez Bill de Burg, les doigts dans le nez, parce que tu es compétent. Il n'y a pas rien que de la compétence, c'est que tu es sous chantage pour être là. Il y a quelque chose que tu as fait qui peuvent te contrôler pour pouvoir rentrer dans ces groupes-là. Multimilliardaire qui contrôle l'économie mondiale. Bill de Burg, ça contrôle l'économie mondiale. Ces gens-là. T'es pas là parce que t'es gentil dans la vie, là. T'es là parce que t'as fait des petites cochonneries de marde, puis t'es sous contrôle, puis on prend soin de tes compétences pour que tu fasses ce qu'on te dit de faire. Et moi, c'est de même que je vois ça. Puis je pense que Carney, il va juste faire dévoiler que le Canada est sous contrôle de mondialisme, puis que Mais c'est en tout sa cas, job, puis qu'il est sous ce que je contrôle. peux dire, c'est que Trump qui demandait est-ce que le Canada investisse massivement dans l'armée. pour faire toujours continuer à faire partie de l'OTAN. Ça a marché parce qu'elle a annoncé qu'elle allait investir Mais c'est 5 %. ça qui va mettre les pays en faillite. Ben, C'est c'est. ça que les. Ben oui. Oui, mais David, c'est justement un piège. C'est un piège. Après, rappelle-toi, il y a 4 ans, je t'ai dit, je l'ai dit, le Canada ou le Québec serait 51e État des États-Unis. Mais là, on la voit venir. Comment? Justement à cause de ça. 5 % du PIB en armement des pays de l'OTAN. Hey, le monde n'a pas l'air à comprendre c'est quoi. Il n'y a pas rien que ça qui rentre en ligne de compte. Les immigrations illégaux en masse qu'on vit, ils coûtent cher à notre pays. Ça aussi, c'est des milliards qu'on envoie dans les poches d'illégaux ici au Canada. Le PIB de l'arme pour reconstruire l'armée, ces dollars-là, on va les trouver où, vous pensez, là? Après la crise qu'on vient de passer, après Trudeau qui nous a endettés de je ne sais plus combien de 1 000 milliards de dollars, ça met le pays à terre. Qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr que les États-Unis vont venir ramasser le paquet. Et voilà. Mais eux autres sont dans le pétrin aussi au niveau de l'endettement. En fait, c'est encore pire si on regarde le ratio que le Canada par rapport à leur dette là, de plusieurs milliards de milliards, là. On verra. On en reparlera de ça. De ça, Ben, les c'est choses tout se mon passent but. pas aussi bien que pensait Trump, j'ai l'impression, parce que tu remarqueras que le taux d'intérêt, il baisse pas par rapport aux obligations américaines. Puis Pas lui. encore, mais il a demandé à la tête du gars de la Ben Fed, là. dans le fond, Ah! de Jerome Powell, Il a dit que Powell devrait ben démissionner. Bon, oui, je ne sais plus, j'ai ça, pas suivi, là. mais je le Mais. comprends, il a dit que c'est un imbécile qui était lent à réagir, etc. Sauf que le Ouais, mais point, c'est c'est que pas ça qu'il a dit. concrètement, si les États-Unis ne renouvellent pas leur dette à rabais, c'est-à-dire avec un taux d'intérêt plus bas, ben à ce moment-là, ils vont se ramasser à payer encore plus de milliards sur des milliards, puis ça a un effet exponentiel. Fait que Ouais. là, les États-Unis sont en train de se caler s'ils réussissent pas à abaisser le taux directeur. On verra. C'est parce que là, je ne veux pas parler de trop de ça, David, parce que pour moi, les patriotes, Trump, c'est la face, je l'ai dit il y a 4 ans, c'est une opération militaire qui est en. Trump, là, il est aussi, comment dirais-je, il dit ce qu'on lui dit de dire. On se comprend-tu, là? C'est l'armée américaine, pour moi, qui est en arrière-plan de tout ça. Et ils sont en train de positionner le plan puis de faire ce qu'ils devraient faire pour libérer, supposément, c'est ça l'histoire, les États-Unis du Deep State ou de la mainmise des banques centrales. Moi, je pense qu'ils veulent, ça va se placer, mais présentement, il y a trop de mensonges pour comprendre où est-ce qu'on s'en va. Ça, ils mentent, tout le monde ment et manipule. Mais une chose est sûre, c'est que Trump, c'est le meilleur troll au monde. La chicane avec Elon Musk, c'est un show. Il n'est pas en chicane avec Elon Musk. Regarde ce qui se passe avec la liste d'Epstein. Là, c'est tordant, celle-là. Moi, j'ai pissé de rire quasiment dans mes culottes hier. Ça m'a détendu toute la journée, tellement j'ai ri. Le bleu du pop, c'est rendu que CNN demande la liste d'Epstein, toi, c'est du trolling. Je sais pas si les gens, je sais que les gens ne peuvent pas suivre, là, parce qu'ou avoir suivi depuis 5 ans, comprendre 5-6 ans. Mais c'est du trolling, ça. Mais c'est de savoir Alors, si. mais Trump, il nous cache la liste d'Epstein. C'est exprès. Il fait exprès pour pas la sortir, pour que CNN, il y a 6 ans, a coupé plein. Qui n'a pas été coupé sur Internet et YouTube pour avoir juste dit le mot Epstein puis liste il y a 5 ans? C'était censuré à l'os, puis toutes les télévisions censuraient ça, on n'en parlait pas. Puis là, tout d'un coup, CNN, qui risque de. Qui demandent qu'on ils veulent la liste. Ils vont en sortir la liste, puis tout sur moi, ça va être drôle au bout. C'est ce qu'ils veulent. Demandez-la, la liste, on va vous la sortir. Ouais. Et il n'est pas sa liste. Ah, Trump, il est sa liste. Mais oui, il a pris l'avion. Trump, il a infiltré ce mouvement-là. C'est ça qui va sortir. Il a infiltré ce mouvement-là. C'est la DARPA qui est en arrière de ça, qui a infiltré le mouvement avec Ben là, Trump. c'est complexe parce qu'il y a des gens qui pourraient dire aussi que c'est la même chose pour, dans le fond, Bill, là, Clinton. Il a infiltré, il a été sur l'île, puis il s'est Non, non, passé non, des non. choses. Ah, Ah, mais mais il était non, non, attends, à... wow. Non, non, il te manque une information. Trump, il y a un enquêteur qui a validé que c'est grâce à Trump qu'ils ont pu arrêter Epstein parce qu'il a fait ça, il a infiltré puis il a dénoncé. Moi, mais c'est Ça, parce c'est d'un que... fichier, c'est officiel Ouais, là, mais aux là, États-Unis. ouais. Bon, en tout cas, arrangez-vous. Je ne veux pas parler de ça, non, parce non, que je mais vais c'est encore pas me taper Bertol qui m'envoie chier en ben, nombre. ça dépend, là, Et mais qu'on c'est va parce parler que. d'autres choses. OK, Bertol? Excusez-moi, il fallait que je la lâche. Ben, attention, mon nom. Ça ne veut pas Ah dire non, qu'il je va ne fais pas écouter de la peur, moi. vidéo. Donc. Ah, ben, qu'il ne l'écoute pas, je m'en fous. Je dis ce que j'ai à dire quand ça me passe dans l'esprit. Parce que je ne veux pas trop parler de ça, David. Non, mais je me suis fait blaster pour moins que ça par Bertol sur bien des affaires, là. C'est beau. Mais le temps, réécouter mes enregistrements avec toi, puis le temps me donne raison jusqu'à présent. C'est pas parce que je vais avoir raison, c'est parce que je lis les annales akashiques, puis je suis connectée à quelque chose que je subis depuis 50 ans. Fait que c'est beau, là. Mais ce que je t'explique, c'est intellectuel. Mais ce que je t'ai expliqué il y a 4 ans, aller les réécouter, c'était pas dans l'intellect, c'était dans une captation, et il se passe exactement ce que j'ai dit. Il n'y a pas de guerre mondiale de déclarée, il n'y en a pas de troisième guerre mondiale telle que prévue, il n'y en aura pas. C'est ça que je dis, qu'on change de monde. Ben, attends une minute. Je veux quand Ouais, je même me. jouer un peu l'avocat du diable avec toi parce que Trump, avant qu'il soit élu, il avait dit qu'il réglerait rapidement le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Or, ce que j'ai appris, c'est que dans les derniers jours, le conflit a empiré, dans le sens que les deux, il y a de plus en plus d'attaques de drones, puis il n'a pas réussi à établir. D'après toi, David, pourquoi qu'il y a plus d'attaques de drones sur la Russie? C'est pas la Russie qui attaque le plus. C'est Kiev, l'OTAN, qui attaque la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une guerre. Oui, c'est plus long que prévu. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'il est au pouvoir? Je Combien de sais, temps? mais c'est parce qu'il était question qu'elle ait réglé ça en 12 heures, une Ben, il fois a réglé élu. la guerre. Oui, mais regardez. Oui, mais. Il faut quand même prendre une distance entre ce que Trump dit à la télévision et ce qu'il dit ailleurs. Parce que quand il parle au. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'il a dit au journaliste qui a posé la question sur la liste d'Epstein pendant qu'il faisait une conférence de ministre. C'était tordant. Il t'a planté le journaliste les deux doigts dans la face en lui disant: Non, mais ça fait 6 ans que vous me parlez d'Epstein, là, puis là, on est au Texas, il y a plein de gens qui sont en train de mourir avec les affaires de dos au Texas. Oui, les Puis vous inondations. venez me parler de la liste d'Epstein quand on est en urgence nationale. Ça ne vous tenterait pas de parler d'autres choses pour l'instant? On viendra à Epstein. Écoute, c'est hilarant. Il est baveux quand les journaleux, excusez-moi de dire ça, quand les journaleux sont là, il fait exprès pour les provoquer. Exprès. Mais ce qu'il fait. Diplomatiquement, il a fait l'Iran, en passant entre l'Iran et Israël, il y a un traité de cessez-le-feu pour 60 jours. Le Soudan, quel pays, là, deux pays qui se faisaient la guerre, j'oublie plein de choses, là, mais il y a plein de conflits qui se sont réglés dans les derniers temps. Mais toujours Dans pas entre le l'Ukraine et la Congo, pas le Russie. Congo, mais en Afrique, là, le Rwanda avec l'autre pays, la République du Congo. Ça fait 35 ans qu'il se fait la guerre, la paix est installée. Il est en train d'éteindre plein de feux. Pas lui, Trump, mais les patriotes, là. Trump, il n'est pas tout seul, là. Et il a toujours dit, je garde Israël pour la fin. Il le disait pendant 4 ans, là. On garde Israël pour la fin. Ça a un lien avec la liste d'Epstein, mon ami. Et le Moussad et toutes sortes d'affaires. On rentre dans des hosties d'affaires de fous. Là, la Russie et l'Ukraine, ça va se régler, mais faut-il encore? C'est plus long qu'il a dit, c'est sûr. Mais c'est quoi 6 mois? C'est quoi? Vous êtes content qu'il se plante? C'est tout ça que vous êtes en train de me dire, là? Hey, c'est donc bien le fun, il s'est planté, il n'a pas réussi à faire la paix. Hey, come on, un Non, ben moi, peu. je me réjouis pas de ça parce que tu as l'avis des Non, mais il y êtres en a humains qui qui se sont en réjouissent en jeu tabarnak, ça n'a rien fait présentement. jouer. Par contre, ce que je veux te dire, c'est que moi, Trump, en tant qu'individu décrié par plusieurs lanceurs d'alerte comme une personne de paix, oui, il fait des démarches pour la paix, sauf que pour ce qui est de la Russie et de l'Ukraine, ça n'a pas abouti concrètement depuis 6 mois. Ça va aboutir, ça va aboutir. Ça va aboutir d'ici quelques semaines, je suis à peu près sûr. On Mais c'est quand verra. même pas lui qui a mis le feu aux poudres dans ces pays-là. Là, t'sais, à un moment donné, il faut arrêter de faire de la psychose de Trump. Il faut arrêter de capoter. Il n'est pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Mais jusqu'à présent, je trouve qu'il fait très bien ce qu'il a à faire jusqu'à présent en 8 mois d'exercice. Il en a fait plus que 4, les 35-40 ans des autres présidents des États-Unis. Là où il fait que. Ben, ça dépend sur quel plan. Il y a plein de choses. Sur le plan diplomatique, dans des processus de paix, oui. Par contre, sur le plan économique, avec la menace des tarifs, il a créé beaucoup d'instabilité sur le marché boursier. Ça a nui à la croissance économique mondiale. Temporairement, mais Ben, c'est limitant. temporairement, ça fait à peu près 6 mois. Ben, c'est temporaire pareil. C'est quoi sur les milliers d'années de la planète, tu penses, Oui, six mois? dans ce sens-là, mais je veux dire, c'est Ben, moi, que. j'ai toujours ce recul-là, David. Je suis désolée, je ne peux pas regarder l'écorce dans la face dans l'arbre. J'ai passé ma vie à prendre du recul, à regarder à 40 000 pieds de hauteur. Alors, je ne peux pas regarder ça avec le nez dans l'écorce. Je ne suis pas capable. Oui, mais là, c'est parce que dans le fond, on voit qu'il veut amener des changements dans le rapport des États-Unis avec d'autres pays par rapport à des tarifs. Puis Il les l'a fait. négociations. Ben oui, Il l'a mais. fait, puis il a pris des ententes avec la Chine. Il vient de s'entendre avec la Chine sur les tarifs douaniers. Quand il veut négocier, il pousse. C'est un négociateur. Lui, quand il veut négocier quelque chose avec un pays, il colisse des frais de douane, comme il le fait avec le Canada. Puis il vient négocier, estime. Mais si nous autres, les idiots du Canada, on ne va pas négocier, puis qu'on fait rien que ça plaigne, arrangez-vous avec vos troupes, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça, c'est à nous de négocier avec lui, c'est tout, mais. La Chine, ça n'a pas fini avec 100% de frais de douane, là. C'est pas ça qui est pris comme entente. Non, non, pas du tout, mais c'est sûr que lui, il avait sorti l'artillerie lourde, c'est-à-dire qu'ils avaient Ben menacé de oui. 148% à un moment donné de frais de douane, Oui, là. Tu oui. sais, c'était quasiment Ben oui. caricatural, là. Ben oui, mais nous, au Canada, on charge 300% de frais de douane chez les œufs américains. Pourquoi que nous, on est capable, faut qu'on puisse le faire, puis que lui, c'est un trou de cul? Puis Ah! pire que ça, nous, on applique le 300%. Lui, il dit à la Chine, moi, pousse ça, un petit 150% de demain. Je les négocie, puis c'est fini. Bon, petit coton. Puis quoi, je ne sais pas à combien ils ont closé, mais c'est ridicule. La Chine est contente, tout le monde est content. C'est win-win tout le temps. Mais s'il veut pousser quelque chose, il pousse la machine. Il faut comprendre comment il fonctionne aussi, si on veut le juger. Arrêter de juste écouter ce qu'il dit sur le coup, puis pas regarder les résultats, puis suivre le processus. Ça fait 5 ans que je suis ce qu'il dit. Ça fait 5 ans, je me suis tapé, moi, l'écoute de tout ce qu'il dit, puis je me le tape encore. Mais là, aujourd'hui, je rigole au moins. Parce que dans le temps, je rigolais pas. J'essayais de comprendre cette affaire-là. Là. Il est dur à saisir parce qu'il est baveux. Il n'a Oui. pas le langage diplomatique. Il a un langage diplomatique en arrière, là. Mais quand tu parles devant une caméra, tout le monde le trouve colomb et épais. Ben oui, mais en même temps, c'est volontaire, il s'est voulu. Parce que lui, il a toujours dit, je remets le pouvoir au peuple. Fait que je parlerai pas comme des élites qui sont toujours au-dessus de nous, Non, non, c'est anyway. ça. Il est pas snob, il est pas Ben, pas tant. intellectuel dans ce sens-là. C'est plus un être qui est spontané, voire des fois un peu mal dégrossi ou grossier. Mais moi, je pense que c'est volontaire, David. Ah oui, ben moi je pense que il va Je pense rejoindre un pas qu'il est certain. grossier dans sa vie, David. Ben là, il y a eu quand même un dossier du Stormy Daniel, là, qu'il y a quand même ça Ben oui, passait en cours. son fond de culotte violé dans un garde-robe, là. Ben, il arrête à moi quelqu'un, aussi. Il a 25 ans. Non, non, comment? Comment? Ils finissent tous par avoir des scandales sexuels sur le corps quand on veut s'en débarrasser, si c'est pas qu'ils se font tirer quelque part. Dans quelle mesure c'est réel, si on le sait pas, David? C'est ça, Ça n'a pas été prouvé. bon, en tout cas, c'est sûr, ça peut être sujet à débat. Puis bon, c'est sûr qu'elle a peut avoir intérêt de monter une affaire pour aller chercher un maximum d'argent, sachant qu'elle est Il me semble milliardaire. qu'elle a même dit que il me semble même qu'il y a eu une déclaration, si ma mémoire est bonne, elle a même dit que c'était pas ça qui s'était passé. Mais en tout cas, peu importe, ça fait 30 ans de ça, moi, Ah, ça mais m'intéresse pas. ce que je voulais te dire, c'est que Trump, il a l'air brouillon, puis des fois, je doute qui sait vraiment où ce qui s'en va, dans le sens que j'ai l'impression qu'il y a eu des effets quand même imprévus par rapport à ses tarifs. Puis le fait que présentement, il s'attendait sans doute à ce que le taux d'intérêt soit baissé aux États-Unis, là. Moi, ce que j'ai pu voir de lui sur les 4 ans, quand il parlait de la finance de son pays, il a dit ça va être brutal et court. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va être brutal et court? Ça veut dire que ça va faire mal à la bourse. C'est ça. C'est ce qu'on voit. Mais il l'a dit il y a 4 ans. Il disait ça va être brutal, ça va faire mal, mais ça va être court. Puis après, on va pouvoir en repartir. Tu te débarrasses pas d'un parasite, des parasites, des banques mondiales. Moi, je pense que tant qu'on verra pas les banques centrales mondiales s'effondrer, privées, on n'est pas sorti de la merde. Moi, c'est ça que j'attends comme signal. Terminer la Fed, en passant, ça veut dire. Ça, c'est mon avis, là, ma perception. Je pense que ce qu'il veut, c'est la mort de la Fed. La Fed, aux États-Unis, a rien de fédéral à part son nom. Voilà. Une banque privée. Oui. C'est une crosse, une banque privée qui passe au gouvernement avec des intérêts. Je ne sais pas, vous n'avez pas compris l'idée? C'est ça qui va. Moi, je pense que s'il y a quelque chose à changer sur la planète, c'est l'effondrement des banques mondiales privées. Ben, en fait, l'endettement massif des différents pays, comme le Canada, la France, les États-Unis, concourent à ça, dans le sens qu'on se dirige droit vers le mur avec une implosion du système, sauf que si ça arrive, c'est que les mondialistes vont vouloir sans doute mettre en place, à la place, un autre système, peut-être avec une crypto-monnaie ou une monnaie électronique. Au Oui, niveau ça se peut. international pour remplacer les monnaies d'État-nation. Ben, c'était leur intention, je crois, David. C'était de ramener ça une monnaie numérique pour pouvoir garder le contrôle là-dessus. Mais c'est justement, je pense pas que ça va pouvoir se faire avant une dizaine d'années, avant que ce soit tout éliminé, ces gens-là. C'est fini, le mondialisme. C'est terminé. C'est terminé l'hégémonie de ces 250 personnes qui mènent le monde économiquement. Mais comme ces gens-là ont infiltré les systèmes et les pays de façon très profonde depuis 75 ans, ben ça va prendre un peu de temps pour les sortir de là, mais ça va se faire. Bien, il y a eu Elon Musk avec le Dodge qui a tenté de faire un ménage. Mais il l'a Et fait. ben non, je regrette. C'est qu'il s'est fait tasser, puis il avait atteint à peu près 15% de ses objectifs. Passé par qui? Ben, c'est-à-dire, justement, les membres de l'administration Trump, ils dérangeaient trop. Ils l'ont sorti par rapport au C'est Congrès, ça que là. j'ai vu. Il a fait son contrat. Il avait 8 mois de contrat. Il a fait son 8 mois puis il est parti. C'est Ben un non, il n'a constat. pas fait 8 mois. Il crie Ah, si. 12 mois, je ne sais pas. Il y a Non, un non, non, non, contrat attends une ferme. minute. Trump, ça fait 6 mois qu'il est au pouvoir. Fait que tu peux pas me dire qu'il a fait 8 mois, tu Mais je sais. pense que c'était ça, de son contrat, 6 Non, mois. moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il a trop dérangé, puis ils ont été obligés de l'écarter, puis Non, je que, pense. ben, en tout cas, moi, selon les analyses que j'ai étudiées là, sur YouTube, les commentateurs, bon, je sais pas tout à 100%, mais dans les grandes lignes, c'est que, dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est que lui, il a été vraiment radical. Dans le sens qu'il s'est attaqué au problème pour amener des changements, puis une coupure massive. Puis il y a des gens qui ont été coupés, puis n'ont pas aimé ça. Il y en a qui ont eu ils ont fait des démarches juridiques pour trouver leur Mais là, emploi je et veux autres. juste te faire une petite, 2 petites secondes. Oui. Si tes références, c'est le monde de la France, Radio-Canada, qui disent exactement ce que tu dis, tu devrais tout inverser ce que tu dis parce que c'est ça du trolling. Ça, c'est des mensonges. Radio-Canada, Elon Musk quitte le Dodge et assure qu'il restera un conseiller de Donald. Le Monde, aux États-Unis, le bilan douteux d'Elon Musk à la tête du Dodge. C'est tous des journaux corrompu qui donne ces nouvelles-là, puis tu viens me donner ça comme nouvelle. Mais Je dans m'en les excuse. faits, mais dans les Les faits, sources sont douteuses. non, je suis d'accord avec toi que mes références peuvent être contestables, mais dans les faits, concrètement, s'il n'est plus à Maison-Blanche pour faire le ménage, c'est parce que à quelque part, Non, mais il y avait un contrat limité d'un temps précis pour faire ce job-là comme Oui. conseiller spécial. Moi, ce que j'ai entendu, du moins là, ça fait un moment, moi, je pense que la chicane dont on parle, c'est Oui. volontaire et organisé, en passant. Ah, oh, ça se peut que ça soit mis en lumière comme un match de lutte où les deux opposants donnent l'impression d'être des ennemis jurés alors que c'est pas le cas, là. Ça peut être Pense qu'il se roule, stagé. il se roule par en arrière de rire. En tout cas, c'est mon Non, avis. non, mais c'est une possibilité. Sauf que dans les faits, concrètement, c'est quand on met cette information-là en contexte avec l'endettement des États-Unis, comme Trump, le Beautiful Bills là, qui a passé récemment. Bon, ben, ils vont endetter les États-Unis de plus que 5 milliards avec ça. Ça veut dire que le ménage n'a pas été fait parce qu'il était supposé avoir des surplus, puis les gens aient des baisses d'impôts en lien avec les surplus. C'est quoi ta source? C'est les médias officiels. C'est sûr que c'est. Tu vas. Ben, c'est Tu... ça le Bon, oui, problème. Mais David, mais. on va arrêter. Non, mais on va arrêter de discuter de ça, puis je vais même m'arrêter là parce que c'est ça le problème. C'est que les nouvelles. Je le lis, là, d'ailleurs. Je rigole, TVA. Le mainstream, sont infiltrés et appartiennent à des OK, privés qui OK. veulent. Leur interprétation peut être Pour moi, biaisée, c'est pas ça. une Je... source. OK. Leur interprétation peut être biaisée, ça, je suis 100% d'accord. Elle est totalement biaisée. Mais Elle dans est les pas faits, si biaisée. les États-Unis s'endettent davantage, c'est qu'ils s'endettent davantage. Là. À un moment donné, il y a des faits concrets. Là. Que le source soit tendancieuse ou pas, tu as des faits observables puis mesurables. Dans le sens, si le plafond de Mais la qu'est-ce dette. qui dit que ça vient de là, la dette, puis que c'est pas d'ailleurs, puis qu'ils l'ont mis sur le dos? Je le sais pas. C'est trop compliqué, je me rendu là. C'est ça, je te dis. Non, non, mais si on dit Tout le qu'on. monde ment. Oui, OK. David, c'est pas le temps de parler de ça. Je te le dis. Tout le monde ment. On va attendre de voir le résultat. Donnons-nous 2 ans. D'accord? OK. On Donnons-nous mesurera 2 ans. l'arbre à ses fruits. À ses fruits. Puis il y a le midterm, là, dans 2 ans, on verra, là. Oui. Puis on verra aussi l'économie. Moi, je pense qu'on verra comment l'économie américaine se relève aussi, parce que je pense que c'est le plus important pour eux. On verra. Mais là, il y a trop de mensonges. C'est très difficile de savoir qui dit vrai. Même Trump ment. Et là, tout le monde ment. Si c'est la Poutine ment, tout le monde ment. Si c'est comme. Là, t'es de même. Tu dis, là, décrocher, puis occupons. Mon frère, allons cultiver nos tomates, puis cultiver. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Il faut juste observer ce qui se passe. Ce que moi, je ne contrôle pas, je l'observe. Hein? Je ne contrôle pas l'économie mondiale. Je ne contrôle pas ce qui se passe. Mais ce que j'observe, je ne trouve pas ça si mauvais comme mandat, ce qu'a fait Trump jusqu'à présent. Non, il n'a pas tout fait ce qu'il a dit. Oui, on peut y reprocher. Mais sur 6 mois, reprocher à quelqu'un, tout... il en a fait pas mal jusqu'à présent, je trouve. On verra. Il en a dit plus que ce qu'il a fait. On verra ce qu'il fait. Mais donnons 2 ans à une administration. Et Carnet, pour moi, il est sous chantage, on verra. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Sur Carney, je te rejoins à 100%, dans le sens que quand il interagit avec Trump, il a l'air d'un gars coincé, timide, puis l'autre, il a plus de prestance que lui. Tu sais, c'est ça, là. Est même à côté de lui. Oui, il est tout recroquevillé contre sur lui-même, là. Tu sais, j'ai l'impression que il est intimidé par la présence, la prestance de Trump. Mais il essaie de tourner le Canada vers l'Europe, pas pour rien, là. T'sais, il est rendu qu'il veut faire affaire avec l'Europe qui est à l'autre bout de la planète pour nous autres. Ben oui. Il est tendant. C'est difficile de parler de la politique présentement parce qu'il y a trop de mensonges. Puis là, je suis gelée comme une crotte. Faudrait que j'aille finir de fermer mon air climatisé. J'en tremble là, tellement j'ai froid. Mais j'aime mieux attendre de parler de ça. Il y a trop de possibilités de conflits. Mais si C'est tu sûr, veux, tu quand là, on peux. rentre dans Ouais. l'intellect, Ouais. là, ça devient compliqué, ça. Mais c'est très clivant. La politique à l'époque actuelle, là, avec tout ce qui se passe dans les médias sociaux, puis les médias polarisés, là, c'est clair que ça crée beaucoup de Bien. clivages entre les pro-Trump, les anti-Trump. Moi, de ma Ben, il y a perspective. eu. Ouais. Oui. Moi, de ma Ben, il y a perspective. eu. Ouais, vas-y. Mais les anti-Trump, les pro-Trump. Moi, je suis pas pro-Trump, c'est vous autres qui me qualifiez comme ça. Je suis pas pro-Trump. Je suis ni contre, d'ailleurs. C'est pas ça. J'ai étudié le personnage, c'est tout. Mais ce que j'ai été témoin, c'est du lavage de cerveau des gens au Canada depuis 10 ans. Sur Trump, ça, oui. Ça, c'est Ça, clair. tu peux pas le Je suis nier. Il n'y d'accord a pas une avec toi, là. qualité. Ce gars-là, il a zéro qualité. Zéro qualité, c'est impossible. Fais-moi pas croire que c'est pas manipulé. Ça, Faut être aveugle pour pas le voir, là. je te rejoins à 100% là-dessus, que Okay. systématiquement, que ce soit Radio-Canada, TVA, tous les médias de masse ici vont tout le temps chercher à le mettre en boîte, en échec, le ridiculiser. Ouais. Il y a vraiment une stratégie pour animer une haine contre lui qui est là. Ben, c'est ça. Puis il développe une psychose sociale sur son cas. Oui. C'est rendu que même un phénomène qui a été nommé, là, des gens qui ont eu un choc post-traumatique trumpiste, là, je ne sais pas trop quoi. C'est d'un ridicule absolu. Excusez, je ne suis pas capable de m'en pas rire. Mais pour moi, Trump, c'est un personnage qui joue un rôle. Derrière ça, c'est l'armée américaine qui est en train de reprendre le contrôle de leur pays. C'est tout. On verra bien qu'est-ce qu'il deviendra d'ici 2 ans. Donc, c'est sûr qu'on pourra jeter un regard critique quand on aura les données en lien avec son bilan. Puis probablement qu'il ne sera pas parfait. Ça, j'en doute pas parce qu'il y a tout le temps des choses imprévues. T'sais, il se présente là pour amener une croissance économique. Puis là, finalement, ben, c'est pas nécessairement ce qui se pensait de ce que j'ai l'impression qu'il se passe là, par rapport avec la Fed qui. Veulent pas baisser le taux d'intérêt depuis plusieurs mois. Ou ça fait ressortir les ri... comment ils appellent ça? Des rhinos. Les rhinos. C'est parce que quand guerre d'infiltration, il faut comprendre le mot. Qu'est-ce que ça veut dire, infiltration? Ça veut dire que c'est tu as plein d'agents dormants partout. Dans le gouvernement puis tous les ministères. Au Canada, c'est pareil, les gens ici, là, c'est pareil ici. Oui, nous autres, on est massivement infiltrés, entre autres, par la Chine. Il y a la Russie, il y a plein de monde. Bon, oui, en Bon. fait, toutes les grandes puissances nous infiltrent, là. Mais la On Chine est est particulièrement. entubés de partout. Oui, c'est ça. Fait, mais ça fait, dans le pays, les États-Unis, ça a été infiltré aussi. Ben oui. Donc, c'est profond. Pour moi, c'est des stratégies un peu comme aux échecs, de faire une guerre pour faire ressortir, c'est en où les infiltrés? Ils sont où? Faut qu'ils se... Qu'est-ce qui se passe là? T'sais, ils sont à quel endroit? Il faut que tu provoques un événement un peu bizarre pour faire ressortir les infiltrés qui vont venir prendre la défense de je ne sais pas quoi. Quel... C'est dans ce sens-là que je vois le gouvernement Trump présentement. Qui sont en... C'est pour ça que je dis que c'est le meilleur contrôle au monde que tu peux avoir. Ça. Puis faire sortir plein de choses. On verra. Mais c'est une guerre d'infiltration. Il faut que tu sortes tes infiltrés. Pour mettre fin à ça. La Fed est infiltrée. Dans quelle mesure il n'est pas en train de nous jouer un show, là, je ne sais pas. T'sais. Moi, je pense qu'il veut la fin de la Fed. Il sent que oui, qu'il baisse les taux d'intérêt, ça serait utile pour les États-Unis, mais je ne pense pas que l'objectif, ce soit que ça. C'est la mort de la Fed qu'il veut. Ça se peut qu'en effet, en laissant la situation se dégrader, ben, il va amener la Fed à quelque part se mettre en échec ou à se compromettre, puis là, Ben, légitimer. laissez, regarde, tu viens de dire quelque chose. Laissez la situation se dégrader. C'est pas lui qui laisse la situation se dégrader. C'est Powell et sa gang d'infiltrés qui veulent pas aider le peuple américain. C'est qui qui veut pas aider le peuple? C'est Trump ou Powell? C'est toujours comme ça. C'est, ah, mais Trump, tu sais, je veux dire, c'est un homme comme tous les autres, là. Je veux dire, il peut quand même pas aller tordre le cou et dire, mon tabarnak, tu vas baisser tes taux d'intérêt, là. Il y a une méthode, mais c'est qui veut pas y baisser les taux d'intérêt? C'est Powell. Ben, c'est ça, c'est qui le trou de cul? C'est Trump encore. Bon, c'est encore Trump. À un moment donné, il faudrait réfléchir un peu. Là. À moins qu'ils prennent une mitraillette puis avec tous les tirs. Je blague, parce que c'est une blague, mais c'est parce qu'on dirait qu'il faudrait qu'on voie ça puis pour comprendre qu'est-ce qu'il fait. Non, C'est tellement. exactement. Mais C'est plus subtil que c'est ça, tu sais, ça. je veux dire. Ce qui se passe par rapport à Trump, bien que sur la place publique, on peut le voir, puis il est interprété comme quelqu'un de grossier. Je sais qu'il est intelligent et Violeur, subtil. c'est un violeur, c'est un crosseur, puis c'est un grossier. Il n'y a pas rien de grossier. Violeur, crosseur financier, puis ça, Ben, là. quoi que, au niveau financier, t'as sur YouTube, dans le fond, sur, en fait, pas YouTube, c'est sur Netflix. J'ai écouté, il y a plusieurs épisodes par rapport à Donald Trump. Puis Bon, là, Netflix. oui, mais c'est quand même intéressant parce qu'avant d'être président des États-Unis, le gars, il a fait des affaires dans le domaine immobilier. Puis là, à un moment donné, c'était par rapport au Taj Mahal. Là, ça coûtait une fortune, il s'endettait. C'était comme pas rentable, c'était comme pas logique, là. Tu sais, OK. selon les informations qu'on présentait, c'est ça, j'ai pas tout contre-vérifié, mais c'est que le montage financier pour construire un hôtel comme ça, c'est comme ça tenait pas la route, où l'hôtel n'était pas rentable par la suite, puis était supposé de se rembourser par lui-même, puis c'était pas le cas, là, tu sais. Ben, je sais pas, le Taj Mahal, il est-tu toujours en vie, puis ça, il fonctionne, c'est quoi? Je sais pas. C'est-tu un... Je pense que Taj Mahal, ben, je sais pas moi non plus, ben, je suis pas au courant de... Tu sais, il en a construit beaucoup de choses, là. C'est un constructeur, Trump, des hôtels, des choses comme ça. Donc, le Taj Mahal, je connais pas l'histoire, là, mais ça se peut que... Moi, ce que j'avais compris qu'on lui reprochait au niveau financier, à ce compte-là, ils vont nous le reprocher à nous, là. Aussi, c'est que il disait, tu as surévalué la valeur de ta maison ou de ton immeuble pour aller te faire financer à la banque. C'est de la crosse. Elle valait pas 4 millions, elle en valait 2 millions. Tu as surévalué tes bâtiments, puis la banque a... Mais moi, je viens de vendre ma maison ici. 500 000 piastres de plus, que ce que la municipalité dit que ça vaut. Je suis une crosseuse. C'est ça que ça veut dire qu'on y dit. Je comprends ce que tu veux dire. Ben oui, mais c'est ce que les agents immobiliers des États-Unis exprimaient au moment où on l'accusait de faire des faux des affaires de même avec ses immeubles. Mais je veux dire, si je vends ma maison 500 000 piastres de plus que ce qui est marqué sur l'évaluation municipale. C'est la valeur marchande que ça s'appelle. Ouais. Et tout d'un coup, c'est une crosse parce que c'est Trump. Ben, à ce compte-là, on est tous des crosseurs dans le monde parce qu'on fait tout ça. Je magasine une maison depuis 4 ans, là, puis les évaluations municipales sont la moitié du prix qu'on me demande. Fait que là, je vais aller voir le client, me dire, le propriétaire va dire, t'es un asti de crosseur, toi. Ta maison, tu m'as vendu 250 000 piastres, t'es évalué 125 000 à la ville. Il va dire, regarde, fuck you. Bien sûr. Fait qu'on est tous des crosseurs. C'est une bonne idée. Mais non, mais c'est parce que c'est comment on interprète ça. Faut comprendre le marché un peu. Mais Taj Mahal, je le connais pas. Je sais que c'est un hôtel de Trump. Là. Mais tu sais, dans une histoire, mettons là, que tu serais un homme d'affaires et que tu fais des milliards dans plusieurs projets, ça se peut-tu qu'il y ait un projet qui marche pas? Ça se peut-tu qu'il y en ait un qui te plante? Mais ça peut arriver, oui. Exact. Encore là, est-ce que c'est parce que tu t'es planté parce que tu as fourré quelqu'un ou tu t'es planté parce que tu t'es planté, ça arrive que tu te plantes dans la vie? Pourquoi faut-il qu'ils ont. Je sais pas. Ça se peut qu'il y ait une crosse en arrière de ça, je ne sais pas. C'est pas des anges personne, le Poutine et compagnie, c'est pas des anges non plus, là. Fait que. C'est beau. Mais moi, ça ne m'intéresse pas le vu passé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je l'ai dit, mais je regarde pas le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui puis ce qui s'en vient. Parce que pour moi, ça change. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête là, mon David? T'as l'air à moitié mort. Ben, en fait, je prends le temps d'évaluer ce que tu dis. Mais non, évalue pas, parle. Oh oui, ben, en fait, ce que je te dirais, je pense que la chose la plus pertinente que je peux dire par rapport à Trump, c'est tout simplement, on pourra en discuter dans 2 ans pour voir qu'est-ce que ça a donné son mandat, tout simplement. Ouais. Moi, je pense qu'on va faire, même peut-être pouvoir en parler d'ici début 2026. L'impression que j'ai, c'est l'automne 2025, ça va vers la fin de l'année, c'est là qu'on va sentir la fin de tout ce qu'on parle, tout ce qu'on voit à la bourse, les fluctuations, tous ces mouvements-là vont se calmer. La paix dans le monde va s'installer, d'après moi, dans les pays en guerre. Mais on verra, ça, c'est Mona qui dit ça, puis je regarde, ça va être enregistré, fait que je pourrais me réécouter et dire « Maudit que t'étais dans le champ » ou « Maudit que t'étais pas dans le champ ». On verra, mais en effet, on peut se quitter là-dessus puis clore la conversation. C'est sûr que je peux terminer en te remerciant d'avoir participé à cet enregistrement. Puis je rappelle aux gens que si vous avez envie de faire du yoga ou également du pilates thérapeutique, ils peuvent entrer en contact avec toi. Donc les coordonnées, vous allez les avoir en bas de l'enregistrement présent, comme à l'habitude, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on fait des enregistrements ensemble. Puis oui, tu avais déjà Oui. parlé. Comment? Mais combien d'années qu'on se parle? Dans mon souvenir, c'est depuis environ 2020, donc peut-être 5 ans. Déjà. Oui, Oui, mais on a parlé, on avait beaucoup. Je me suis réécoutée dans ces années-là. OK. En passant, je ne suis pas capable de m'écouter en général, mais j'ai pété une coche il y a à peu près un an. Suite à des petits conflits. Et je me suis dit, il va aller me réécouter. Parce que je m'écoute pas en général. J'essaie de rester dans le plus spontané. Et ben c'est ça. Il y a des choses que j'ai dit, c'est pour ça que tantôt je l'ai placé, là. Il y a des choses que j'ai dit il y a 4 ans, puis je me rends compte que je suis pas mal meilleure quand je suis sous le contact que quand je suis dans l'intellect. J'ai une meilleure information, c'est plus. C'est pour moi, c'est plus facile de travailler de même maintenant. Je suis plus capable de travailler avec l'intellect comme avant. T'sais, je te parle, on parle de Trump, de toutes sortes de choses, là. J'ai beaucoup de misère à me rappeler ce que j'ai lu il y a 2 jours, puis. J'ai une mémoire assez étrange. Elle est fonctionnelle au moment où ça se passe, mais après ça, oublie ça. Fait qu'IA, moi, je vais l'aimer, IA. Je vais dire. Yeehaw! IA! Rappelle-moi donc! Non, Mais exactement, mais c'est sûr que dans le fond, c'est l'externalisation de la mémoire humaine à travers une interface électronique. Tu sais, c'est un peu ça, là. Ce qui se passe avec ben. l'intelligence artificielle, là, c'est au lieu que toi, tu mémorises dans ton cerveau, c'est que l'interface mémorise à ta place. Donc, oui, tu as de l'espace pour faire d'autres choses, mais en même temps, si tu ne tires pas de la mémoire, dans le fond, il y a un adage qui dit si tu ne l'utilises pas, tu vas le perdre. Donc, Je peux te rire. Ouais, mais si j'ai peur, c'est parce que je n'ai plus besoin. Hein? ça peut être ça. Mais Moi, j'entends ça beaucoup avec les. Ces temps-ci, je m'entraîne. Je ne sais pas si les gens, ça les intéresse, mais j'ai découvert. J'aime bien les Shaolin guerriers, leur entraînement. J'ai trouvé c'est du Qigong chinois. Je parle pas de faire des pirouettes puis toutes les affaires de se frapper dessus, là. C'est pas. Dans les Shaolin, c'est assez extrême dans certains cas. Mais j'ai commencé à travailler certains mouvements. Pourquoi je parle de ça? J'ai perdu le fil. On parlait de quoi? Regarde, tu vois, la mémoire me coupe. ben, C'est on parlait pas. justement de la mémoire. Justement, elle n'a pas de mémoire. Non, mais je vous jure, c'est assez spécial. Pas besoin de la mémoire, mais je ne sais plus ce que je voulais dire du tout. Ça a coupé carrément. Et c'est de même pour tout ce que je fais, à part quand j'en ai besoin, au moment où j'en ai besoin. Parce que là, on n'a pas besoin de parler de Trump, je n'ai pas besoin de mon Non, intellect. c'est ça. Mais aussitôt que je suis comme dernièrement, je t'ai parlé, là, j'ai des causes avec des grosses causes à défendre avec des avocats et à se battre contre des trucs, là. Alors là, la mémoire, tout me revient. Même que je suis drôle, je suis même surpris, mais bon, juste comme je me rappelle de ça. Mais il faut que ce soit au moment où ça se passe. Sinon, ça devient extrêmement compliqué. Ben, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis à étudier la bourse avec toi. Parce que j'aimerais bien embarquer avec toi, mais mon intellect n'est pas fonctionnel. Fait que je ne peux pas étudier, il faut que je passe à l'action pour l'étudier. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Il va falloir que quand je vais avoir l'esprit libéré, je sais que je vais vouloir être. C'est ça, je veux travailler avec toi. Je le dis aux gens, il est très intéressant là-dessus. Par contre, moi, faut que j'aie réglé des dossiers, avoir mon intellect libéré de ce que je suis en train de régler. Puis après, j'embarque, mais je n'embarque pas de la même façon que toi, tu as fait. Moi, je vais devoir passer à l'application directe pour apprendre. C'est ça, mais juste pour clarifier, parce que c'est un enregistrement public, moi, bon, c'est sûr, avec Mona, je pourrais étudier la bourse avec elle, mais contactez-moi pas là, pour la Il veut consultation que pas la vous bourse. conseiller. Présentement, non, c'est ça. En fait, quelqu'un qui n'a pas un Je t'ai pas dit titre, conseiller, mais travailler avec toi. voilà, il y a des nuances, là. Dans le sens qu'on Ouais. peut parler de la bourse ensemble, l'étudier, mais je ne peux pas recommander formellement de prendre un titre plutôt qu'un autre, parce OK. que c'est, dans le fond, une tâche qui est réservée. Quelqu'un qui fait ça, qui n'est pas autorisé par l'autorité des marchés financiers, s'expose à des poursuites. Ouais. Non, mais c'est pas du conseil. Moi, je parle. J'étudie conseiller. J'étudie Non, ça m'a non, tu échappé. parlais qu'on allait travailler là-dessus, là, tu sais. Moi, je parle de travailler ou collaborer Ouais, c'est avec toi. ça, exactement, là. Ouais. Mais on pourra s'en reparler dans quelques semaines. C'est sûr que présentement, je suis en apprentissage depuis plusieurs mois intensifs. Je fais entre autres des vidéos sur ma chaîne YouTube en lien avec l'intégration. Puis l'une de mes plus grandes surprises, c'est de voir comment que les opportunités aujourd'hui. Il y a un gars, d'ailleurs, j'ai mis la vidéo en ligne aujourd'hui. Il y avait un portefeuille de 100 000 $ qui lui donnait des revenus de dividendes de 1 000 $ par mois. Il contacte Adrienne de Passive Income Investing. Là, il a parlé d'autres fonds. Puis finalement, il a modifié son portefeuille sur seulement 3 fonds. Là. Il n'en a pas pris 50 différents. Pour que ce soit plus simple à gérer, puis ça lui donne un revenu de 1 985 $ par mois, quasiment 2 000 $ sur 3 fonds négociés en bourse avec option d'achat différents. Fait que la personne n'a pas besoin d'avoir 1,5 million pour avoir de la performance en termes de revenus de dividendes. Il suffit de prendre des fonds en haut rendement avec option d'achat, dans certains cas avec effet de levier, parce qu'il avait pris entre autres MSTE. Mais quelqu'un peut aller chercher du rendement beaucoup plus facilement avec les opportunités qu'on a aujourd'hui qu'il y a 30 ans, là. Et en utilisant IA. Entre autres. Ben oui, mais c'est là que ça devient intéressant, moi, d'avoir un IA pour poser des questions, dire si je fais tel mot dans combien d'années je peux espérer. Tu sais, il y a moyen de travailler avec cette intelligence artificielle pour la performance boursière, entre autres, ou ailleurs, là. Oui. Tu peux faire performance d'entraînement aussi. Oui, ben c'est à tous les sujets. C'est comme si tu as un spécialiste multitâche avec toi, dans le sens que l'intelligence artificielle, ben moi, je me suis intéressé beaucoup avec la philosophie d'André Moreau, puis je peux le faire interagir avec la plupart des grands philosophes, que ce soit Socrate, Aristote, Platon, puis l'intelligence artificielle va vraiment reprendre la pensée de tous ces différents philosophes qui ont passé à l'histoire à perfection, puis simuler des dialogues qui auraient eu cours. Alors que dans les faits, ça n'a jamais eu lieu, là. Mais avant qu'on termine, Oui. c'est une question qui me vient à l'esprit. Comment qu'on fait pour savoir que ce que Bernard dit puis André Moreau, c'est vraiment ce qu'ils ont dit? En fait, il faudrait se référer aux références sur Ben, c'est ça. lesquelles l'IA puise. Dans certains cas, elle fait de la déduction du jugement. Puis des fois, je trouve ça surprenant parce que j'ai l'impression que. Par exemple, par rapport à la question du transhumanisme, je suis pas mal sûr que Bernard de Montréal aurait la perspective qui est présentée par l'intelligence artificielle dans les faits aujourd'hui sur le sujet, alors que dans les années 1980, même début 2000, on parlait pas autant qu'aujourd'hui du transhumanisme ou de l'intelligence artificielle, là. Ça, c'est un sujet que c'est intéressant. Mais c'est parce que c'est une question, en tout cas, je m'arrête là, mais je ne veux pas élaborer davantage, mais ça, je vais y aller. Je pense que je vais aller travailler là-dessus, ça m'intéresse. De savoir. Parce que, en fait, ce que ça sous-tend, c'est que, on se dit, ah, oh, c'est intéressant, l'IA, mais est-ce que c'est vraiment ce qui est dans l'IA, c'est vraiment tout ce qui a été écrit par Bernard, mettons. Ben, en Et fait, ses propos et non pas des ouais. déductions. Non, je comprends. Mais en fait, ça peut être un mélange des deux. Moi, ce que j'ai observé en interagissant avec ChatGPT-4, c'est qu'il faisait des déductions dans le sens qu'à un moment donné, dans un enregistrement, j'interagissais avec l'intelligence artificielle, puis là, elle simulait un discours de Bernard de Montréal où il faisait allusion, entre autres, à Netflix. Or, dans son temps, avant 2003, Netflix n'existait pas. Non. Fait que là, c'était comme une espèce de colère qu'il faisait en disant, ben là, c'est pas en passant son temps devant Netflix que, tu sais, la personne va s'individualiser. En tout cas, ça allait dans ce sens-là. Oui. Ou d'aller J'avais voir pas des vu. citations sur Instagram. Tu sais, c'est pas en allant voir des paroles de sagesse qui sont diffusées sur Instagram, sous la forme d'images que la personne va devenir consciente. Non, non, il sortait des réparties dans l'esprit de Bernard de Montréal, mais en lien avec les référents culturels actuels. C'est ça qui m'a épaté, là, dans le sens que Bernard, Ben, aujourd'hui, épaté, mais c'est trompeur en même temps. c'est ça, mais je veux dire, ça réactualise le discours par rapport à qu'est-ce qui est à la mode. T'sais, au lieu de parler de prendre son coke chez Eaton, ben là, on parle de Netflix puis d'Instagram. Excuse-moi, tu viens de me faire rire, Céline. Oui, mais je veux dire, dans son temps, il Mais fait t'avais où il référence t'a à rire, en fait. Eaton. Moi, à Québec, il y avait un magasin Eaton, puis là, il est fermé. Fait que le référent Il n'y culturel, il aura est pas tombé à déjeuné terre. chez Continental. T'as pas connu ça, toi? Ben. Oh, j'aime. Continental, comme Eaton. Mais plus Bon, vieux. oui, ben, il y a des chaînes qui ont disparu, tu sais. C'est vrai. Mais c'est intéressant, effectivement. Mais est-ce qu'il peut pousser, ça va pousser la chose? Tu sais, ça, c'est mettre peut-être un au goût du jour pour des petites. Je ne sais pas même comment appeler ça, mais. Ça veut dire qu'il peut aussi transformer les propos de Bernard, tu sais. Oui, mais moi je trouve que, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'il garde quand même l'esprit, Mais l'interface. comment tu peux savoir ça si tu n'as pas à l'esprit tout le contenu de Bernard, David? C'est une bonne question, mais tu sais, Ben là, t'es pas une encyclopédie Non, sous non, les pattes pour je reconnaître sais, ça. mais je veux dire, quand ça fait au-dessus de 10 ans que tu écoutes des enregistrements de Bernard de Montréal, je pense que tu peux l'avoir pas mal intégré, là. Son contenu, là. Intégrer. Ben, je parle pas de toi, là. Non, non, mais Mais je veux dire. c'est pas parce que les gens ont écouté Bernard pendant 20 ans qu'ils ont intégré. J'en OK, connais non, dans les non, 20. OK, en fait, Il y a du monde qui n'a rien intégré de Bernard dans les 25-30 ans. OK, oui, je suis d'accord avec toi dans le sens que, à leur vie, ils ne l'ont pas intégré personnellement, mais le mémoriel associé à ça, puis les Tu as raison. références au niveau Ouais. intellectuel, ça se peut qu'ils l'aient intégré, mais pas nécessairement appliqué concrètement dans leur vie. Ben là, je vais aller écouter tout ce que tu fais sortir de l'IA de Bernard, puis je vais le contester. Ben, je gêne-toi Je pas pour blague. le faire, là, dans le sens que ça se Non, peut qu'à un moment mais donné, j'aimais ça, l'IA ne ça. soit pas ajustée. Hein? Mais Non, non, mais. tu m'en avais envoyé un lien, puis j'avais ri pour mourir, j'avais trouvé ça super beau. Mais ce qui est intéressant puis surprenant, c'est que tu peux avoir plusieurs modes. C'est un peu comme quand tu joues de la guitare, là, tu peux jouer clean ou avec la distorsion. Donc, tu peux demander à Bernard de Montréal de donner une explication de type encyclopédique, universitaire, très technique, mais tu peux lui demander aussi de répondre en mode coup de gueule. Puis là, il se fâche. Puis en point des jurons. Oui! Ah, c'est trop drôle, allez voir. Oui, mais c'est Tu une l'as tout mis réalité. en ligne, tu as tout mis Oui, en ligne je me ou. suis allé. En fait, l'un des premiers ou c'est le deuxième, je demande de me répondre en mode coup de gueule. Puis là, il fait des Oui. envolées dans le même esprit qu'il pouvait faire en conférence publique, à différence des enregistrements réservés aux séminaristes de type prépersonnel. Mais tu peux avoir le mode prépersonnel aussi, là. Tu as plusieurs Tu modes. devrais. Bon, faudrait que je m'habitue, mais si jamais tu rejoins la Kia, là, sur Bernard Mendy, te faire un coup de gueule sur sa perception de l'homme et des enfants. Oui, ça pourrait être Parce que un là-dessus, je l'ai vu sujet. s'enrager. OK. Il parlait des enfants, puis quand il parlait de l'homme, le rapport de l'homme avec la femme, il venait bleu marin. Il criait, dans la salle. Ça serait très drôle de l'entendre coup de gueule dans le genre. Oui, et ça serait probablement possible. Hein? Mais surtout les enfants. Questionner l'IA de la version de Bernard Coup de gueule, qu'est-ce qu'il pense que les enfants vivent sa planète ici? Là? Je ne veux pas mal questionner, c'est pour ça que je ne questionne pas. Mais je te dis, tu vas avoir du fun parce que Bernard, il en a fait beaucoup de sorties enregistrées sur la maltraitance des enfants. D'ailleurs, c'est une des choses qui va sortir dans les prochaines semaines. Là. Les réseaux pédophiles, ça va sortir. International. Oui, quoique c'était déjà commencé, là, je veux dire, il y avait eu un film là, par rapport à Le plus jeune. les trafiquants là, en Colombie l'année passée ou celle d'avant, le temps passe tellement vite. Ouais, il y a eu pas mal d'interventions. Ouais. Ouais, c'est en Colombie. C'est pas Barderia qui avait... C'est pas Barderia qui a fait un Non. film, là. En tout cas, on en reparlera parce que là, je vais vous quitter. J'ai trop froid dans ma demeure. Je suis gelée parce que j'ai parti la clim. Puis je suis gelée comme une crotte. Bon, ben c'est parfait. Fait qu'on va compléter. Donc, comme je le mentionnais tantôt, les coordonnées relatives à mon os, c'est des gens qui veulent faire du yoga ou également là, du pilates thérapeutique en bas de l'enregistrement. Sinon, si vous aimez mes enregistrements, bien que j'utilise souvent l'intelligence artificielle ces temps-ci en guise d'invité, vous pouvez toujours me faire parvenir des contributions financières en soutien à mes activités de diffusion web. Ils auront mes coordonnées donc en bas de l'enregistrement présent à ce sujet. Donc, comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute et je remercie particulièrement Mona pour sa participation Merci. à cet entretien. Et je vous dis à bientôt. Oui, IA comme IA Tremblay, là, notre humoriste québécois. Les assurances, il y a Aussi. l'intelligence, il Oui, y a. il y a beaucoup de IA. Fait que à bientôt. Merci.